Voilà cet extrait de Terra Incognita de Christophe Toussaint pour introduire cette émission qui aura pour thème justement une terre qui devient, qui est toujours inconnue, c'est l'imaginaire, mais qui s'ouvre à l'infini. C'est la manifestation fleurie du 21 à Épinal, avec justement Christophe Toussaint, qui n'était pas à l'épinette, vous verrez, mais qui était au cornet à piston, parce que c'était plus sonore dans les rues. Alors ça sera notre premier thème, et notre thème dernier, puisque voilà, on commencera par ça, qui est l'événement qui a marqué le réveil culturel, voilà. Et bien entendu, on donnera d'abord la primeur à ça, à cet événement, par une première partie qui introduira, voilà. Donc voilà, et puis le cœur central de l'émission sera la Sélénite 6 de fin janvier, qui Sélénite, célébration artistique, culturelle, poétique à la Lune, chez Cunégonde, et on avait passé la première partie il y a 15 jours, en voici la deuxième partie, et déjà, le 27, se profile la nouvelle Sélénite 7, toujours en visio, sans doute, dans les temps actuels. Voilà. Cette Sélénite-là aura pour thème central, disais-je, l'Australie, la marche dans l'Australie par Jocelyn Perret, hein. On avait commencé à écouter, mais on écoutera ça plus tôt tout à l'heure. Voilà, à tout de suite dans quelques instants. Après un peu de musique, d'ambiance, certes, voilà. Il n'y a qu'une kiwi, qu'une ibraïa, qui l'estie où sa mourive là. Et l'hiver, c'est qu'un fimiraïa. Et l'hiver, c'est qu'un fimiraïa. L'aste s'éveillera à l'abandon, c'est Marie d'aimer Colombina, qui s'est pincinée une cardon, et c'est Miraya la roubina, et c'est Miraya la roubina. Maïda, quel libre me fait, Gennagin, Dieu, quel père, loup, lucré, en tout jour, pour ta vie d'enfant, crains-toi de pénètre des sucrés, crains-toi de pénètre des sucrés, Anastina, vie résolée, et dès qu'il y aurait été, que vous battrez, vous diez pas vieux, reste insoulé. Pour introduire cette émission, un coup de soleil avec les îles d'or par le groupe Tar Candine, du sud, bien sûr, vous avez compris, poèmes provençaux. Et c'est du Mistral, Chanaï Mistral. Là, c'était la Cardelle ou le Letteron. Alors, je ne vais pas tout traduire, bien sûr. Cette pièce, mais je vous dis ce qu'il est écrit, cette pièce que Mistral, Frédéric, avait d'abord intitulée La Providencio. illustre le proverbe provençal « Quand Dieu envoie un lapin, il envoie aussi un laiteron pour le nourrir ». Le coucar est un tarpetondine, un meurt de faim, mando cantia. Alors bon, ça c'est quelques explications, bon, on va pas... ça comment oui, ça, c'est le début, c'était le coucar mando canla. Le meurt de faim, quoi. Le truand mange quand il l'a, qui n'a pour tout bien que ses choses, qui l'été s'abreuve au ruisseau et l'hiver se chauffe aux murailles. Voilà, c'est bon, le début de ce poème, Les Îles d'Or, voilà, pour introduire cette diffusion qui était ensoleillée, bien sûr, Les Îles d'Or, rien de mieux. Et cet ensoleillement, on va le découvrir à travers les reportages qui nous ont été faits. Alors, la première partie de cette émission, effectivement, je la consacre à cet événement, la marche fleurie, vraiment étonnante, remarquable, lumineuse. Alors là, je vais découvrir même l'article que Marie-Pascal a fait dans l'Écho des Vosges là-dessus. Je ne l'ai encore pas vu, je l'ai acheté à l'instant. Et donc, là, je vais découvrir aussi le reportage que Michel, notre bon Michel, a fait et que Lia, notre chère Lia et Marion également, m'ont mis, qui sert aussi à notre cœur. Et donc, m'ont mis en ligne et je vais le découvrir. Parce que le bon Michel avait, on était plusieurs de RGM à cette manifestation, l'IA, Michel, moi, et moi j'ai enregistré pas mal. Et Michel, lui, il avait enregistré pendant au moins une heure, sauf que Michel, j'avais dit... Michel enregistre en continu et on trouvera là-dedans sur 2 heures de manif. C'était intéressant. Ben non, il a appuyé et désappuyé. Voilà, un petit coup des trompettistes, oui. Mais j'en donnerai plus tout à l'heure. Et je vais passer tout de suite à la dernière séquence. Le total sera donné tout à l'heure, effectivement. J'ai 50 minutes d'enregistrement, c'est dire. Et je vous passerai donc la dernière séquence après les Sélénites. Mais là, déjà, bien la dernière séquence de 7 minutes 02, soyons précis, hein, comme nous savons l'être, ici à RGM, donc 7 minutes 02, qui nous feront, qui nous permettront d'écouter Marion Garnier, notre organisatrice centrale, je dirais, ouvrière infatigable, abeille infatigable de notre ruche, et qui est au cœur de Réseau d'être, et avec qui on a fait Transhumance tout l'été, donc Marion Garnier, pour ne pas donner son nom, et pour sa modestie, voilà. Et puis on aura également nos musiciens de Recré qui étaient venus. Alors ceux-là, ils étaient 4, comme les 4 mousquetaires, même 5, si on ajoute Jean-Claude Vorgy, qui n'avait pas porté sa guitare, mais qui était là, qui chantait parfois, souvent même, et avec donc les musiciens sont Paul Souvé, Michel Génini, Michael Grieser et Jean-Claude Luçon au violon. Et puis aussi nous entendrons Mirabel, Monsieur Claire, je crois, de Bayon, hein, maire honoraire d'ailleurs, hein, et qui va nous donner quelques aperçus, notamment le chiffon rouge, qui était l'indicatif d'une de nos émissions, avec déjà Raymond Claudel, avec François Durand, et puis d'autres aussi, une des premières émissions de RGM, le chiffon rouge. Ouais. Et puis donc on entendra aussi l'appel général qui est donné à l'Astono. Bon, l'Astono, c'est moi-même qui l'avais amené, petite sono portative qui est bien utile, et qui permet de, justement d'écouter un peu les guitares. Alors là, dans cette dernière séquence, devant la souris verte, eh bien, on n'entendra pas les trompettes, les chères trompettes dont je pensais donner un aperçu plus éclatant, mais ça sera dans la deuxième partie de l'émission, à vue d'œil pour l'instant, en cours d'enregistrement, vers 23h. Voilà, à vue d'œil. Mais ça sera précisé dans les communiqués, dans le journal, et voire même à RGM. Voilà. Bien, donc on y va, on est là, on y est. Voilà, le temps de trouver ma séquence qui se lit au-delà de mon masque à gaz, là. Voilà, elle est là, je la vois. Je la vois, elle arrive, la dernière séquence de la dislocation, mais pas une dislocation, c'est l'épanouissement de la manifestation, la marche fleurie, devant la souris verte, qui a été le démarrage de tout ça. Alors là aussi, j'ai aussi un enregistrement du 13 février à la souris verte, mais est-ce que j'aurai le temps de vous le passer ? Mystère pour l'instant. Il y avait une AG constitutive qui nous a lancé, et puis après il y a eu le 15 à Reims, et puis il y aura le 14 mars, vous verrez. Tout ça est un mouvement qui roule, qui tourne, et qui a eu son, je ne dirais pas son climax, parce qu'on espère encore mieux, mais son ampleur, là, le 21 février, par un temps printanier. Et voilà notre séquence. Le prochain rendez-vous le 14 mars devant le Cinéma Palace à 15h. Rebelote avec plus de monde. N'hésitez pas à le faire à Mirecourt, à Gérardmer, à Saint-Dié, où vous voulez, partout chez vous. Je rappelle à tout le monde, c'est un mouvement citoyen. On est là pour le spectacle vivant, la culture, la convivialité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Je répète, le 14 mars, on me dit dans l'oreillette, à Épinal. L'oreillette. Le 14 mars, je répète, à Épinal, 15h au cinéma. Même chose, même parcours, même combat. Toujours plus, toujours plus fort. Encore merci à tous d'être venus. Propager la formation, d'être remonté tout ça jusqu'à la ligne. On va faire là. Merci tout le monde, on continue. Bonne soirée à tous, à bientôt. Applaudissez, ça fait du bien. Allez, place à la musique. Allez, dansez, monsieur là, on danse encore. Voilà, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Radio Guimoso, qui est là, en trône. Ah, et puis un petit coup d'orgue de barbare qui rit. Le barbare qui rit. Allez, on y va. Allez, vous mettez des orgues de barbare. Vous mettez devant. Vous mettez devant pour filmer l'orgue qui va chanter. Mais... Voilà. Les gens, et puis voilà, c'est ça. C'est parti, c'est bon. Moi, je te dis n'importe quoi. C'était donc avec notre ami de Mirabel Orgue. Donc le nom je m'en rappelle plus. Mirabel Orgue. Et donc au sens c'était Marion de Réseau d'être qui anime les réseaux d'être et par laquelle notamment entre autres avec Louise, avec Karine, avec plein d'autres qui sont là. On est là dans la rue. C'est un plaisir, hein, la rue. Voilà, il semblerait que le couvre-feu va nous obliger à rentrer dans nos pénates respectives, enfin ceux qui ont de la route, hein. Les spinaliens peuvent continuer. Hein. Enfin, ça s'est bien passé, je pense, c'est impeccable. Hein. C'est de la joie. Vive le printemps! À Rudy qui nous regarde là-haut et qui rigole bien du haut de ses nuages, certainement. C'est un peu... Bah, il a fait les frais, mais s'il nous entend, ben voilà. Salut Rudy! Salut Rudy! Au final, il y a quelqu'un à Rudy ou pas? Ah ben oui, attends. Voilà, c'était la première partie, donc disais-je, de cette manifestation. Enfin, disons, la dernière partie, pardon, la première partie pour la radio. Oui, pour ce soir, parce que je vous passerai la suite après la Sélénite. Alors là, on entendait effectivement les personnes que vous avez entendues. Marion, au champ Élysée même. Ah oui, c'est intentionnel, Élysée, j'avais pas compris, moi. Oui, mais si, mais bien sûr, aux Champs-Élysées, eh oui. Et puis, notre ami Mirabel, monsieur Clerc de Bayon, à l'orgue de Barbarie, vous entendrez d'ailleurs dans le chiffon rouge tout à l'heure, vers 23h, la deuxième partie de l'émission. Et donc, il y avait donc Popol, qu'on entendait pas mal, là. Popol Souvé, Michel Génini et la guitare aussi, et Michael Griesser qu'on entendra également, et Jean-Claude Dusson qu'on n'entendait pas trop là au violon, mais qui était là. Et puis, comme je vous disais, il y avait les trompettistes que vous entendrez particulièrement, vraiment talentueux, avec Christophe Toussaint, Giraffe, qui est donc Christophe Châtel, avec sa petite guitare, et... avec également un trompettiste dont je n'ai pas su capter le nom, mais qui était fabuleux. Et là, je viens de regarder l'Écho des Vosges. Notre ami qui signe la Marianne des Vosges, a fait un article, mais sur l'appel du 23 janvier, et c'est encore pas le reportage fameux qu'elle a fait. Elle a fait plein de photos, elle était là. Elle manifestait aussi, d'ailleurs, sous un autre nom, sans doute, parce qu'elle a plusieurs noms. Et elle est aussi organisatrice des Sélénites, sur laquelle nous allons revenir à l'instant. Voilà, les Sélénites. Alors, les Sélénites, c'est la célébration de la pleine lune à chaque pleine lune, forcément. Et là, c'était, on va écouter, la pleine lune de janvier, du 28 janvier, je crois. Hein, ou, oui, c'est ça. Et ça, c'était une pleine lune. J'en ai passé la première partie il y a 15 jours, vu que c'était quand même assez long. C'était en visio, bien entendu, parce que c'était comme ça. Hein, et avec des interruptions dues à M. Zoom, qui mesure ses séquences, lui, en ce moment, apparemment. Et donc, mais j'ai pu techniquement me débrouiller à peu près avec tout ça, et vous allez entendre. Donc là, cette dernière partie, deuxième partie de la Sélénite, nous emmènera essentiellement, dans les deux prochaines séquences, avec Jocelyn Perret, qui est un spinalien. Alors, je suis troublé aujourd'hui, mais pas spinalien du tout, parce que je pensais à Épinal. C'est ça, de parler trop vite. Un Mulhousien ou Colmarien. Non, Colmarien, voilà. Et qui, lui-même, travaille il écrit des romans, il écrit des récits, et il est également animateur d'une station radio à Colmar, si je ne m'abuse, et il envisage notamment de coopérer avec Radio Gémozo pour des émissions qu'il nous donnerait. Alors on attend ça, et je vais proposer ça au CA, tiens, si le CA écoute, qu'il entende bien, c'est lancé. Après, je ferai un courrier en bonne et d'auditiforme. Voilà, alors la Sélénite 6, 7. Après, vous entendrez quand même la Sélénite 6. Oui, Sélénite 6. Vous entendrez quand même Kikou. Après, mais ça, c'est un peu après. Kikou, Christophe Colin, avec ses poèmes. Christophe Philippe, et moi-même, d'ailleurs, forcément, puisque j'y étais. Et notamment, dans la première séquence, vous entendrez des poèmes aborigènes de Marie-Pascal, et ou par Marie-Pascal. Il y en a un poème d'elle et un poème d'un poète aborigène. Mais d'abord, un petit peu de musique adéquate. Voilà, on va voir ça. Voilà, c'est parti. Si c'est bien parti. Toc, voilà. Voilà, ordi bleu. Oui, c'est toi. Je voulais pas passer ça, mais c'est pas grave. On va continuer. C'est Yann Vanek, le fameux, le célébrissime guitariste de Hudson, mais du monde en fait. Et notamment, ici, il y a un rapport que je viens de découvrir. C'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard. Il est souvent en Polynésie. Alors lui, on l'a vu notamment à Remiremont, à l'église, il y a environ 3 ans, dans des manifestations qui ont été organisées. C'était à l'époque où on n'imaginait pas tout le Covid. Et puis on l'a revu, moi je l'ai revu il y a 2 ans, chez ou 2 ou 3 ans aussi, les années, chez Francis Cuny qui avait organisé dans son atelier à Basse-sur-le-Rue, à Trougemont, une splendide représentation. Yann Vanek, qui était donc avec nous il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant la Sélénite 6 avec, vous allez voir, un certain nombre de personnes que j'ai nommées, notamment Jocelyn Perret. C'est bon. À vouloir mettre tout ça en forme et à le rédiger, et puis sans savoir où j'allais. Et j'ai croisé un gars qui avait monté une petite maison d'édition à ce moment-là et qui m'a proposé de l'éditer. Donc on a sorti ce bouquin-là et en fin de compte j'étais bien content parce que c'était un support vachement intéressant pour continuer de parler de l'Australie, du problème des mines d'uranium et de ce que rencontraient les aborigènes. Ce que ça me permettait d'être présent dans des salons du livre, petits ou gros, de proposer aussi bien des interventions. Mais du coup, ça m'a permis de continuer à en parler donc de, plus facilement que juste dans le cadre familial. Oui, Vincent. Oui, excuse-moi, comme j'étais déconnecté et reconnecté à nouveau, et que notre émission de RGM est en cours, puisque j'enregistre. Après, en retravaillant un peu, malgré tout, des petites scories. Redis-moi, j'ai loupé le début de ton titre de bouquin. Il faudrait que tu me le redises pour nos auditeurs de RGM. L'énergie. Voilà. Donc, le tout premier que j'avais écrit, c'était une énergie antinucléaire. C'est paru aux ACL à Lyon. C'est les ateliers de création libertaire. Donc là, c'était plus un témoignage de ce que j'avais... vécu au réseau Sortir du Nucléaire, puisque j'étais sur la coordination des groupes et l'événementiel, donc j'avais participé à l'organisation de gros rassemblements, mais également j'avais rencontré beaucoup de militants au niveau national. Quand je suis parti en Australie, ce que je disais, c'est que je prenais des notes tous les jours, parce que j'avais une petite mémoire. Donc je prenais des notes, mais c'était pour moi, en même temps que des photos, puis c'était pour en parler à mes proches quand je serai de retour en France. Et puis en fin de compte, j'ai commencé à réfléchir, à mettre ça en forme. Et au moment où j'étais en train de m'y mettre, entre guillemets, j'ai croisé quelqu'un qui avait une petite maison d'édition et qui m'a proposé de l'éditer. D'accord. Du coup, là, on a sorti un bouquin justement qui s'appelle « Des mouches dans le bouche » et qui retrace justement cette marche et qui sert également, le livre sert également de support pour parler des problématiques de l'histoire du nucléaire en Australie, dont les essais atmosphériques, les mines d'uranium, tout ça. Et puis le livre, ça m'a également permis d'ouvrir des portes, entre guillemets, pour continuer à en parler ailleurs que dans le cercle familial. C'est ce que j'expliquais. C'est que du coup, ça m'a permis d'être présent sur des salons du livre et d'interpeller, entre guillemets, un peu le public, des lecteurs, de proposer de temps en temps des diaporamas, des conférences, des rencontres autour de cette marche. Et c'est vrai que la thématique de la marche est très vendeuse. Si j'avais intitulé ça « Non aux mines d'uranium », beaucoup de personnes ne se seraient pas arrêtées. Et je me suis rendu compte que sur les salons du livre, les personnes qui passaient devant nos stands où j'étais, si je les interpellais en leur disant « Ah, c'est un livre sur une marche en Australie, dans le bush, 2 mois et demi, 1200 kilomètres », ah ben là, c'était du cadre du voyage, un récit de voyage. Les gens s'arrêtaient. Donc après, une fois qu'ils étaient arrêtés, il faut être bon vendeur, hein. Il faut être commercial, il faut les attirer dans ton piège. Ouais, c'est ça. et en fin de compte, après, je pouvais leur parler. Mange un miel. Ouais, une fois qu'elle s'était arrêtée, tu vois, une fois qu'elle s'était arrêtée, je pouvais leur parler de ce que j'avais découvert et des problématiques. Mais du coup, ouais, c'était un bon support justement pour, en effet, attirer tous ces gens-là qui seraient passés sinon, si j'avais juste mis comme titre non aux mines d'uranium en Australie. Ouais. Je pense que j'aurais touché un public militant qui était intéressé, mais là, oui, ça m'a permis, je pense, de toucher d'autres personnes en dehors de tout ça. Ça, c'est un problème récurrent pour les militants, à mon avis, c'est d'élargir, de changer de discours, plus s'adresser à eux-mêmes, et d'être, bon, c'est compliqué, hein, mais ça me paraît très important. C'est compliqué. C'est dur parce que moi, je voyais quand j'étais sur les salons du livre, des fêtes du livre, les trucs comme ça, en fin de compte, très régulièrement, tu te retrouves un peu le seul alternatif, entre guillemets. C'est pas toujours évident le rapport avec les autres auteurs, tu vois, parce qu'ils te voient justement trop comme le militant. Du coup, c'est des fois un peu compliqué. Moi, je sais qu'il y a des moments, je suis parti de certains salons du livre en fin de journée, je me disais, mais plus jamais, quoi. Parce que en fin de compte, j'avais été entouré entre guillemets d'auteurs, mais j'avais aucune accroche avec eux, mais vraiment aucune. Eux, ils étaient là. En gros, c'est ouais, moi je fais du roman. Mon roman, c'est du polar régional. Mon roman, il est super. Moi, j'en ai vendu 5000 exemplaires. Toi, t'en as vendu combien? Tu vois. Et puis t'as signé chez un éditeur. Et puis blablabla. Mais j'en ai rien à foutre. Entre guillemets. T'en as vendu 5000 exemplaires, tant mieux pour toi, mais si on pouvait parler d'autre chose, il y a des choses un peu plus importantes que juste ta gueule et le nombre de bouquins que t'as vendu, quoi. Mais du coup, je me retrouvais quand même des fois dans des situations comme ça où t'es pas à l'aise, quoi. T'es pas à l'aise et des fois, t'as vraiment envie qu'il y ait du soutien, du support, et c'est vrai que là, tu languis des fois qu'il y ait des personnes, des lecteurs, des personnes du public qui s'arrête et avec qui tu accroches, parce que sinon, je te promets, les journées, elles sont super longues. J'ai envie de te demander ton écriture, est-ce que tu as une trame romanesque ou est-ce que tu t'attaches plus à faire des documentaires de relaxer? Ça dépend, pour moi, les deux sont liés. J'ai sorti deux romans. Le premier, il est totalement inspiré du voyage en Australie. Ça me permettait aussi d'avoir deux supports pour parler de ce que j'avais découvert en Australie. Il y avait le côté récit de voyage et il y avait le côté roman qui touchait deux publics de lecteurs différents, mais qui pour moi abordaient les mêmes questions. Et puis c'est vrai que là, mon dernier bouquin, c'est un roman aussi qui s'appelle Moins vite et qui est totalement inspiré de la ZAD qu'il y a eu à côté de Strasbourg. Mais qui est inspiré de la ZAD de Strasbourg par rapport à une thématique transport, par rapport à un lieu. Donc l'action se passe principalement là-bas. Mais par contre, ça fourmille de références et de notes de bas de page ou de références de bas de page pour renvoyer vers tel site, telle brochure, tel livre. J'ai fait un roman documentaire ou un documentaire romancé. Le côté roman, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir partir là où je veux, de pouvoir inventer, de pouvoir mettre ce que j'ai envie de mettre, du coup de pouvoir m'amuser aussi beaucoup plus que si c'est juste du documentaire. Quand c'est juste du documentaire, comme mon précédent bouquin, là, l'épopée alsacienne du Dreieckland, où je parle justement de la découverte Fessenheim, hein, Vincent, là il faut, on est factuel, il faut être carré. Là je suis dans du roman, donc je donne des références quand j'ai envie d'en donner, mais sinon c'est aussi pour moi, c'est une sorte de plateau de jeu. Donc je peux partir dans tout ce que je veux, je peux inventer, et là je pars dans l'imaginaire, dans la création, et du coup c'est un bon mix des deux, ça me permettait d'être militant et en même temps de m'amuser. Ouais. Donc sur des scènes qui n'ont jamais existé, inventer des scènes, inventer des relations, rajouter de la musique, rajouter plein de choses, et du coup là c'était du bonheur. Super, hein. Bien, merci. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a l'Australie, Moi, j'ai envie de rebondir peut-être un petit peu sur l'Australie. C'est exactement, c'était entre quel endroit, entre quelle ville? Est-ce que tu étais avec André Larivière? Je pense que oui. Alors, André Larivière, il a fait le début de la marche. Il est venu un petit peu avant la marche. Il est parti faire deux ou trois conférences avec les copains australiens. Puisque l'asso australienne qui organisait ça, Footprints for Peace, moi je les avais rencontrés en France en 2008 et 2009. Ils étaient venus pour organiser une marche Londres-Genève. Donc je bossais pour le réseau Sortir du Nucléaire. À ce moment-là, ça fait que moi j'avais coordonné la partie française de Cherbourg jusqu'à Auxerre à peu près. Et André Larivière, il avait pris Auxerre jusqu'à Genève. Oui. 2009, ils avaient fait Genève-Bruxelles, donc là ils étaient passés en Alsace. Donc moi j'étais en Alsace pour coordonner le rassemblement qu'il y a eu contre Fessenheim en 2009. Du coup je m'étais chargé de la partie alsacienne. Et quand ils ont décidé d'organiser leur marche en Australie, à ce moment-là en effet ils ont invité des Français, André Larivière, dont un autre copain du réseau aussi. Donc André, il a participé à 3 semaines je crois de la marche, ça a duré 2 mois et demi. Donc il a fait les 3 premières semaines de marche. Et après, moi, je me suis retrouvé, j'étais quasi le seul Français. Donc c'est confortable en même temps, hein, on est le seul Français là-bas. Et s'ils nous embêtent trop, les organisateurs ou autres, on leur dit « Ah, m'embête pas, parce que sinon, moi, je m'en vais, je suis le seul à représenter la France maintenant. Hein. » Mais sinon, non, c'était vraiment, une belle rencontre. On a été une dizaine de nationalités différentes à participer. On a été 20 de personnes à faire la marche du début jusqu'à la fin, dont des enfants. Et en fin de compte, c'est énormément formateur sur plein de choses. Ça faisait un bien fou parce que, on va dire que sur les 2 mois et demi, donc 10 semaines, il y avait peut-être 8 semaines où on a été complètement coupé du monde. Donc pas de téléphone, hein, pas de connexion internet, rien. On était au milieu du bush. On était une sorte de tribu nomade. Où tous les jours on montait notre camp, tous les matins on démontait et on repartait pour faire nos 20-25 km. C'était une moyenne, c'était plat, donc c'était pas compliqué, hein, c'est pas un exercice physique, c'est pas très compliqué. À partir du moment où on sait marcher, entre guillemets, on peut faire nos 20-25 km sur du plat par jour. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu un mélange d'expériences comme ça, cette vie en collectif, en collectivité, en tribu presque, parce que il n'y a personne autour, hein, vous êtes au milieu du bush, c'est sur des centaines et des centaines de kilomètres où il n'y a personne d'autre que vous, quoi. Donc en gros vous devez être solidaire, et s'il y a quelqu'un qui vous tape sur le système dans le groupe, il faut apprendre à faire avec, parce que de toute manière vous n'avez pas d'échappatoire, quoi. Hein, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a rien, quoi. Vous êtes juste là et vous devez aller jusqu'à l'arrivée entre guillemets, et vous avez besoin de tout le monde pour y arriver. Parce que quand vous êtes une vingtaine et qu'il y avait 6 ou 7 enfants, ça laisse plus beaucoup d'adultes. Donc quand il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient malades, ou de blessures, ou des choses comme ça. Et donc là, c'est vrai qu'on apprend la solidarité, on apprend à faire avec les différents comportements, quoi, qui existent, quoi. Et puis il y avait aussi cette période de décrochage total, où pendant... au moins 8 semaines, justement, vous êtes complètement coupé du monde extérieur. Donc, vous n'avez plus aucune nouvelle, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas où en sont vos amis, votre famille, ce qui se passe dans le monde. Et puis, en fin de compte, vous vous rendez compte que ça ne vous sert pas grand-chose de le savoir, quoi. C'est que vous vivez très bien, vous êtes très bien, que tout ce que vous propose la société, entre guillemets, de consommation, vous vous en passez très bien. Au départ, je flippais un peu. Moi, je suis fan de musique, de concerts, de spectacles, de rencontres, de choses comme ça. Et je me suis dit, mais je ne vais jamais tenir. Et en fin de compte, si. Parce qu'il y avait ce groupe qui était là, il y avait le bush qui était là, il y avait cette marche tous les jours qui nous portait aussi, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est des temps, je pense, qu'on devrait s'accorder plus souvent, parce que ça permet de faire un pas de côté. Ça permet de se mettre un peu à l'écart et de se retrouver soi, de prendre un peu le temps justement aussi pour faire le point, savoir où on en est. Et quand on revient, en général, on est un petit peu plus fort parce que on a fait le point. On a fait le point et on sait où on en est et on est prêt à repartir s'il y a besoin, quoi. Et puis à côté de tout ça, il y a eu la découverte d'énormément de cultures différentes, parce que je vois tout le monde des tableaux aborigènes. Oui, bien sûr, il y avait des aborigènes, c'était assez intéressant, même si c'était compliqué des fois de communiquer, parce que la plupart ne parlent pas très bien anglais. Et moi, je ne parle pas les 600 et quelques dialectes aborigènes. Nous, on a traversé 5 ou 6 territoires différents. Mais donc, il y avait l'échange avec les aborigènes, cette découverte. Mais il y avait aussi, par exemple, un Chilien. Il y avait un Indien Navarro. Il y avait un Grec. Il y avait une Italienne. Il y avait une fille de... Il y avait une Allemande, d'ailleurs, qui lutte à Gorleben contre l'enfouissement des déchets nucléaires aussi. Il y avait une fille des Pays-Bas. Et donc, on s'est retrouvé, en fin de compte, avec énormément de nationalités différentes. Et quand vous marchez que ces plaques, il n'y a pas trop d'efforts à faire, vous avez énormément le temps de discuter. Donc, sur 8 ou 10 semaines comme ça, au quotidien, vous avez le temps de discuter, d'apprendre à connaître la personne, de revenir sur une discussion que vous avez pu avoir 2 jours avant, 3 jours avant, et du coup de creuser un peu toutes ces personnalités, tous ces vécus. Et c'est vrai que c'était assez formidable comme rencontre. Le plus dur, c'était peut-être de se retrouver un petit peu tout seul, parce qu'on en a quand même besoin de se retrouver tout seul. Le groupe, c'est bien, mais de temps en temps, on a un peu ras-le-bol du groupe. C'était donc un chant de Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est pas trop loin, c'est pas exactement... Dans l'immense discothèque de Guémoso, j'ai pas trouvé vraiment sur l'Australie, mais ça va se changer, ça va s'améliorer, sûrement. Bon, en tout cas, oui, c'est proche de ces... En tout cas, l'Océanie, c'est là-bas. Hein. C'est le sud, comme dirait Galabru quand il dit le nord. Bon, le Grand Sud. Oui, alors, c'est quoi ? C'était le Kabutabea, la danse en rond de Gopa. Ce chant d'homme à deux voix constitue la principale forme musicale kanak. Donc, on a deux chanteurs debout, entourés d'une douzaine de batteurs qui pilonnent des bambous contre le sol ou frappent des battoirs en écorce de figuier l'un contre l'autre. Et il y a donc une danse. Lors de grandes cérémonies, toutes les personnes présentes à la fête dansent en rond autour des chanteurs et participent aussi par leurs exclamations que vous entendîtes et leur plaisanterie que vous comprenâtes, à leur plaisanterie à l'animation de l'ensemble. Cette danse est très simple. Les gens tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça me rappelle un peu les danses qu'on avait aux cérémonies des Brandons, aux cérémonies du qui donne, du donnage, où, le dimanche, justement, après le carême, le premier dimanche de carême, plutôt, on avait le cœur des filles dans un sens et le cœur des garçons dans un autre sens, tout ça pour célébrer le mariage des sexes, bien sûr. Il se dandine donc dans le sens inverse, là, ce coup-ci, en piétinant, marchant ou trottant, selon qu'ils sont plus ou moins proches du centre de ce disque humain. La danse en rond, Kabu Tabea, dure toute la nuit, entraînée par les couples de chanteurs qui se relaient à son centre. Alors, on va écouter maintenant la deuxième partie de ce récit d'Australie, surtout, d'Australie, oui, par Jocelyn Perret, qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui est un spinel. Oh, je me trompe encore, un colmarien, mais vraiment, aujourd'hui, suis-je bien réveillé? Bon, enfin, ça ne fait rien, on va à nouveau rêver dans les étoiles. Du coup, c'était un peu le plus compliqué. Donc, on avait une ou deux possibilités. C'était, par exemple, pendant qu'on marchait, c'était d'être au début de la marche. Il y a toujours quelqu'un qui ouvrait la marche. Et cette personne-là, en fin de compte, était seule 50 à 80 mètres devant les marcheurs. Là, vous vous retrouvez tout seul. Les marcheurs sont derrière vous. Vous êtes dans le bush. Devant vous, il y a le bush. C'est tout. C'était des moments quand vous arriviez à être cette personne qui était devant, hein, parce que justement, des fois, on était plusieurs à vouloir être tranquille, et donc à demander à être cette personne-là. Quand vous en aviez envie et que vous arriviez à être devant tout le monde, c'était des moments où justement vous pouviez vous retrouver un petit peu tout seul. Parce que sinon, vous êtes dans une dynamique où il y a toujours quelque chose à faire. C'est soit le matin que vous partez, on a quand même des véhicules, soit vous partez avec les véhicules jusqu'au prochain camp, vous arrivez, il faut décharger les véhicules, il faut creuser pour les toilettes, il faut creuser pour le feu de bois, il faut aller ramasser du bois, il faut allumer le feu, il faut préparer la bouffe pour les 20-30 personnes qui viennent. Du coup, vous êtes toujours en activité et le soir, il y a toujours des gens avec vous, il y a toujours du monde, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Et quand je vois que Marie-Pascale, là, avec le Dream Time, le temps du rêve, les dessins, on a eu quelques rencontres assez formidables. C'était justement, il y avait des aborigènes qui venaient marcher avec nous. La plupart du temps, il ne faut pas se leurrer non plus, hein. La plupart du temps, ceux qui marchaient avec nous, c'était ceux qui avaient déjà un bon niveau, entre guillemets, d'anglais, qui avaient certains accédé à des études. Il y en avait un, par exemple, qui était directeur d'une sorte de centre culturel. C'était des gens qui étaient engagés depuis des années dans des luttes, surtout les luttes justement anti-nucléaires. Et il y en a quelques-uns qui justement revenaient régulièrement. Et là où c'était formidable, en dehors des moments où on marchait ensemble, c'était le soir. Le soir, quand vous vous retrouvez autour d'un feu de camp en pleine nuit, donc sous un ciel étoilé, pleine lune ou pas, mais où vous n'avez aucune pollution lumineuse et où vous n'avez aucun obstacle à 360 degrés, et que là, le soir, vous vous retrouvez autour du feu avec votre groupe et des aborigènes et qui vous racontent les contes aborigènes, justement, enfin pas les contes aborigènes, parce que c'est transmissible et puis il y en a des centaines et puis chaque tribu a ses contes. Mais quand vous vous retrouvez autour du feu avec des aborigènes qui sont là en train de vous conter justement leurs histoires, leurs contes, là vous êtes un peu vraiment dans un autre univers et là vous pénétrez vraiment dans une culture. Et ce que j'ai compris aussi par là-bas, c'est qu'un problème qu'on a, nous, en France, entre guillemets, en France, dans les pays occidentaux, c'est le livre. On a un gros problème avec le livre. Vous voyez, on nous parle de livres saints, et c'est un problème, c'est que justement, des philosophies de vie qui ont été écrites deviennent des livres sacrés, là où les aborigènes n'ont jamais rien écrit, se transmettent de génération en génération les contes, les histoires, et ces contes et ces histoires, en fin de compte, peuvent être reprises, remodelées, réarrangées par chaque génération. Donc chaque génération se l'approprie et peut également raconter le conte en fonction de ce qu'elle vit aujourd'hui, pas de quelque chose qui a été vécu il y a 2000 ans ou 500 ans ou ce que vous voulez. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit qu'on avait un problème avec le livre à partir du moment où le livre devenait sacré, parce qu'il fichait une pensée. Et cette pensée, en fin de compte, c'était là où ça dérive, c'est quand cette pensée de ce livre devient un dogme et qu'on se réfère à ce livre-là et que ces livres deviennent saints, des livres sacrés. Et là, ben, ça y est, on a tout perverti parce qu'en fin de compte, on bloque l'évolution de la pensée, on bloque l'évolution de la réflexion sur ce truc-là. Ce qui a été écrit est la vérité, on ne revient pas dessus. Et je pense que là, on a un grave problème à cause du livre. C'est vrai que... La tradition orale avait quelque chose de très fort, c'est qu'en fin de compte, la tradition orale, c'est exactement la même chose que les religions, c'est de la philosophie de vie. Ce que les aborigènes transmettent par leurs contes, par leur danse, par leur chant, en fin de compte, c'est des techniques de survie, c'est rien d'autre que ça. Et en fin de compte, en se le transmettant comme ça oralement, ben c'est vrai que ça continue à vivre, ça continue à évoluer, c'est pas figé. Et je pense que là, c'est très très intéressant de bien penser à ça, justement pour sortir un peu, j'allais dire entre guillemets, du marasme spirituel qu'il y a pour certaines communautés qui sont trop axées, trop accrochées à un livre. Ouais. Je pense que vous comprenez un peu. C'est vraiment la différence entre le monde occidental, hein, entre nous occidentaux, qui s'appuie sur l'écrit, hein, et puis les sociétés traditionnelles fondées sur vraiment la transmission orale. Et là, pour le coup, alors, ils adaptent, certes, mais ils ont quand même, depuis 50 000 ans, perpétué... des mythes, des histoires, hein, et malgré le drame de la colonisation, et vraiment parce que ça a été un massacre, hein, il faut quand même dire que y a des langues perdues, complètement, hein. Vous avez des aborigènes qui connaissent plus leur langue, hein, surtout ceux qui sont, alors dans le désert, pas vraiment, hein, mais tous ceux qui ont été repartis sur la côte, là, dans tous les, ils ont perdu leur langue. Alors, il y a aussi des intellectuels aborigènes qui sont dans des universités, qui travaillent, qui font un travail de recherche de langage, de perpétuer le langage. On a même des enseignements aujourd'hui sur Internet, hein, pour apprendre certaines langues aborigènes. Mais c'est, et on peut se dire que c'est grâce à ça qu'ils ont tenu, quoi, parce que c'est vraiment, bon, c'est un petit peuple premier, ils ont émergé de l'Afrique, ils font partie vraiment des premiers hommes, hein, et ils ont maintenu quelque chose que ça nous échappe complètement. Hein. Par exemple, la grand-mère de Yuba était une femme issue des générations volées. C'est quand même contemporain. Hein. Donc, génération volée, ça veut dire que quand elle était enfant, elle a dû courir dans le bush, se sauver, parce que la policier arrivait pour prendre des enfants. On vient prendre des enfants. Hein, parce que s'ils sont un petit peu... voilà, c'est pour les blanchir. Donc, on les prend, on les blanchit, on les baptise. Et ils sont élevés dans des familles blanches. Donc c'est énorme. Bon, il faut aussi voir. Bon, je connais pas mal d'aborigènes qui sont très croyants, ils sont beaucoup chrétiens, pas tous, hein, mais il y en a pour qui la religion a été vraiment une espèce de bouée de sauvetage, qui n'ont pas ce rejet comme ça. Nous, finalement, blancs, on a envie de dire, non mais là, les chrétiens, vous avez complètement déconné et tout. Mais si on regarde l'histoire, quand même, la religion qui est revenue au secours après tout ça, il y a eu le Story Day, le jour du pardon, organisé aussi par beaucoup de gens d'église. Bon, c'est un sujet quand même très délicat, hein, moi je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je suis toujours peser la religion qui a sauvé les aborigènes. Qui leur a permis de se raccrocher à quelque chose. Hein. Je pense que c'est comme dans beaucoup de pays. Je témoigne parce que je sais que l'oncle Diouba, il est pasteur. Oui, mais justement, nous, on était avec un pasteur, mais c'est la même chose, c'est de l'acculturation. Comme tu disais, les générations volées, c'était beaucoup d'enfants métis, beaucoup d'enfants qui ont été enlevés et qui ont été éduqués donc à la mode anglaise, justement parce qu'en fin de compte, c'était une sorte de génocide blanc qui a été mis en place. Mais on leur a imposé la culture occidentale la chrétienté. On leur a pas laissé le choix. S'ils voulaient de toute manière continuer à vivre et autres, ils n'avaient pas trop le choix. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a un petit retour un peu vers leur histoire et leur culture. Et le gros truc autour des générations volées, en effet, c'est que ça a coupé des générations de leur histoire, de leur culture et de leur vie. Donc des enfants à qui on disait, en gros, vos parents sont morts, donc ils étaient élevés dans des pensions catholiques, hein. On leur inculquait justement les croyances anglaises, ils étaient élevés en anglaise, mais tout en leur faisant comprendre que de toute manière, même s'ils étaient demi-aborigènes, demi-blancs, un quart blanc, un tiers aborigène ou autre, ils étaient aborigènes, donc de toute manière c'était une race inférieure, donc il ne fallait pas non plus qu'ils s'attendent à faire autre chose que des emplois de merde, à être exploités, il fallait juste qu'ils se la ferment, et que le problème eux, c'était une minorité inférieure. Donc on les a complètement coupés, ils n'avaient aucun moyen de retourner à la source, c'est-à-dire qu'en fin de compte ils ne savaient pas d'où ils venaient. Ils ne savaient pas de quel clan, de quelle famille il faisait partie. Et comme disait tout à l'heure Marie-Pascale, c'est qu'étant donné que chaque famille, en effet, c'est quand même quelque chose. Ils avaient un des systèmes pour éviter la consanguinité du sein familial, un des systèmes qui étaient les mieux construits au monde. Mais en attendant, pour retourner dans une famille aborigène, il fallait savoir justement de quelle famille on arrivait. Pour rentrer là-dedans, parce que, en fin de compte, quand on est d'une certaine famille, ça veut dire qu'en effet, on a un animal totem, on descend de telle lignée, et ne sachant pas d'où ces enfants qui venaient adultes, d'où ils venaient, en fin de compte, ils ne pouvaient pas être acceptés par les aborigènes. Donc, ils étaient rejetés par les aborigènes également, parce qu'ils ne savaient pas, on ne sait pas de quel clan vous arrivez, on ne peut pas vous prendre dans notre clan, ça ne se fait pas comme ça. Donc ils étaient rejetés par les aborigènes, ils étaient rejetés par les blancs, et c'est en gros la grosse population qu'on voit actuellement en ville, c'est tous les SDF, c'est tous ceux qui sont emprisonnés, c'est tous ceux qui se droguent, qui picolent à longueur de journée, qui sont dans la déchéance la pire, quoi, dans ce qu'on connaît dans le milieu urbain. Il y a un gros racisme encore actuellement. Mais en fin de compte, la plupart des aborigènes qu'on voit en ville, qu'on voit traîner en ville, c'est juste des SDF, et c'est des gens qui sont nulle part. Ils sont nulle part parce qu'ils ne sont pas acceptés par les blancs, mais ils ne sont pas acceptés par les aborigènes non plus. Ils sont dans une sorte de no man's land, et ils sont paumés. Et il y a un nombre de morts, mais par suicide, ou par alcoolémie, ou par drogue. Vous savez, la colère ultime, c'est pas cher. Vous voyez, des choses comme ça, il y a un film qui est sorti il n'y a pas super longtemps sur tout ça. Et c'est vrai qu'on a il y a une population, en fin de compte, qui a plusieurs générations, qu'on a appelées justement génération volée, qui ont servi à décimer un petit peu les aborigènes en les coupant complètement de leur famille, de leur histoire, de leur culture. Et c'est là où il y a un gros souci, c'est que ces personnes-là sont tellement éloignées maintenant et tellement mal acceptées qu'elles quel sens vous mentionnez maintenant. Et il y a des personnes, en effet, bon, ça va être des pasteurs, ça va être un peu qui vous voulez, qui défendent cette culture et qui essayent de la défendre, de la faire revivre un petit peu. Mais c'est compliqué parce que tout s'est perdu. Les techniques de chasse, les techniques de danse, la plupart de ce qu'on voit, c'est des choses qui ont été apprises et qui sont là pour les touristes. C'est super compliqué pour que ça redevienne une culture qui soit vivante et pas une culture qui soit muséifiée, mise dans des musées, mise dans des livres, entre guillemets, parce que justement, si cette culture, elle est écrite, qu'elle rentre dans les livres et qu'elle rentre dans les musées, ça veut juste dire qu'elle est morte. Elle est extrêmement vivante. La peinture aborigène n'existe pas. La peinture aborigène, c'est du land art. Ils dessinent sur le sable. Il y a des traces qui ont été retrouvées sur des rochers ou des choses comme ça. Mais ce n'était pas quelque chose qui était censé rester. Ce n'est pas notre culture à nous, avec nos grands peintres, nos tableaux, nos peintures et nos choses comme ça. Eux, c'était de l'art éphémère au départ. Et maintenant, on en fait un art pérenne. Et du coup, on le fige, on le fixe. C'est pas du tout ça la culture aborigène. On ne fixe pas. Ça disparaît, ça s'en va. Et on recrée, ça renaît, ça revient autrement, mais pas comme ça. On ne fige pas. C'est comme ça pour les contes, pour les danses, pour la peinture, pour tout ce qui tourne autour. C'est de la création instantanée, c'est du land art et hop, ça disparaît sans vraiment disparaître, d'après eux. Mais c'est pas figé. Oui. En tout cas, elle avait un sens, elle a un sens, elle écrit le rêve de chacun, hein, le rêve qui n'est pas... le mieux, ce serait d'avoir une personne aborigène pour en parler, parce qu'on est encore là des Blancs à parler d'une culture qui n'est pas la nôtre, mais voilà, c'est peindre le rêve, chacun a un rêve dans la tradition aborigène. C'est-à-dire, c'est compliqué à expliquer. C'est ce qui va le lier à la terre, c'est ce qui va le lier, c'est ce qui va lui donner sa responsabilité, c'est beaucoup de choses. Je préférerais vous lire un poème aborigène pour illustrer expliquer la perdition complète des valeurs. Donc c'est un poète qui s'appelle Errol West. Il est de Tasmanie et en Tasmanie la population a été presque totalement décimée, population aborigène, un génocide qui était presque total. Il reste quelques représentants de leur communauté qui était jadis très importante. C'est un poème qui exprime bien, à mon avis, hein, qui exprime bien ce sentiment de dépossession qu'ils peuvent ressentir. Alors, à l'intérieur se lève un guerrier des temps. Il possède mon âme. Je vois à la coupe de sa légitime indignation. Je ne veux pas de sang, juste être. Mais même avec lui, il n'y a personne pour m'enseigner ces chansons qui attirent l'oiseau lunaire, le poisson et tous les autres. Tout ce qui fait de moi ce que je suis. Voilà. Errol West, pour dire aussi que, bon, après, j'ai écrit quelque chose, enfin, la seule chose que j'ai écrit en poème sur l'Australie par rapport à Uluru. Donc ce fameux rocher, rouge terre brûlée de soleil, que reste-t-il de toi qui ne soit photographie, spoliée, flashée, commercialisée, au centre rouge, Uluru escaladé. Ils viennent, ils pillent, ils prennent, aux places sacrées, piétinées. Rouge terre brûlée de soleil, aux itinéraires chantés, tes hommes, les premiers que tu aies enfantés, survivent avec les astres au désastre. Ils se disent en noir secret d'initiés, les rêves qui font leur histoire colorée, rouge terre brûlée de soleil. Pour conclure cette phase, cet épisode australien, alors là, c'était aux îles Salomon. Voilà, c'est, vous regarderez sur la carte, ça ne doit pas être très loin. Pas si près quand même, mais bon. En tout cas, voilà, c'est une danse de 10 flûtes de pan au taka iori. La danse, tout en frappant avec une main sur un coussin de feuilles appelé maeta. Les danseurs et les danseuses miment ces mouvements en alternant les coups de pagaie à gauche et à droite, légèrement penchés en avant, les genoux pliés, ils se balancent de gauche à droite. En même temps, ils se déplacent en une ou deux colonnes autour et entre les deux rangs de joueurs de flûte de pan qui restent sur place. Alors, c'est une fête et il y a 10 flûtistes et donc ce pouvoir de la musique fait un avec la fête, le son des flûtes de pan est en harmonie avec cette fête. Si la musique est bien jouée, les gens sont joyeux, ils poussent des cris, ils dansent, ils sont une foule heureuse. Ils aiment la musique car elle est inséparable de la fête. La musique est la parure de la fête, son écharpe de danse humaine, son diadème de coquillage ivoire. Voilà. Alors autrefois, au temps où on faisait encore la guerre, il y avait à la fête des gens qui se battaient. Ils rencontraient leurs ennemis et cherchaient bataille. Mais quand il y avait de la musique, il n'y avait plus que les musiciens et puis des gens qui écoutent, qui s'assaient et qui sont calmes. Voilà, c'est donc cet horizon sonore lointain pour compléter ce que nous racontaient Jocelyn et Marie-Pascale avec ses poèmes. Donc, et passons maintenant à la septième partie, puisque on avait les cinq premières, c'était dans l'émission d'il y a 15 jours, hein, replay, hein. Vous pouvez la retrouver sur le Facebook de Radio Gemozo en principe. Je dis en principe, Bon. En total et en principe. Oui, donc je vais passer la numéro 7, qui dure un certain temps, oui. C'est pas mal de dire ça. Hein. Avec Kikou, notamment, avec Christophe Philippe, Kikou Christophe Collin, Christophe Philippe, poète, et puis moi-même qui parlera de Michel Alain, un poème à Michel Alain qui nous a quitté en janvier, une artiste, une peintre, une prof de yoga que j'ai déjà évoqué, à Michel Grassler, l'ancien de la radio, qui était avec qui je faisais Balade des peuples. J'ai passé sa voix l'autre jour. Il faudra que je vous en repasse d'ailleurs. Balade des peuples et magazine historique, des longues émissions de 3 heures. Et il nous a quittés là, un accident. Michel, c'était une maladie, longue maladie, comme on dit. Érudit, bien sûr, qu'on a évoqué au début de cette émission, dans l'appel à Rudy, puisqu'il a été très présent dans la manifestation de dimanche. Bon, notamment, on avait 2 panneaux avec un poème à lui et son portrait avec l'estaminet. Voilà, donc la Sélénite 7, tout de suite. Justement, anti-nucléaire. Et il y en a quelques-uns qui justement revenaient régulièrement. Et là où c'était formidable, en dehors des moments où on marchait ensemble. C'est tellement vaste, le sujet de l'Australie, du monde aborigène. Il y a tout. La peinture est absolument magnifique. Effectivement, aujourd'hui, c'est dans l'art contemporain, c'est l'art aborigène. Ce sont des toiles qui sont vendues des centaines de milliers de francs, d'euros, de dollars, je ne sais pas quoi. Alors que ben, les artistes, on leur file un peu de bière et un peu de sous. Bon, ça a été mis en place comme ça, voilà, ils sont... Mais on a aussi de vrais artistes, de grands artistes, hein, parce que c'est vrai qu'il y a le côté éphémère, si je vous disais, mais on a aussi des plus forts posthumes qui sont mais vraiment de très grands talents. Tu nous as montré un livre, un très beau livre, là, il y a 20 minutes à peu près. Quel est son titre? Avec des images colorées. Ça. Alors, Dreaming. C'est ABC Dreaming. Ouais. C'est en anglais. Oui. Hein. C'est en anglais, c'est pour les enfants. Oui. Et voilà, ce sont des... Ok. Ça représente des animaux, des poissons, Ouais, c'est très beau. Les animaux sont... Très, très, très important. Magnifique. Oui. Bah peut-être que tu peux te le procurer. Je sais pas si je vais me débrouiller. Du moment que j'ai le titre, ça devrait aller. Allez, voilà, c'est Warren Brim, W-A-2-R-E-N, Brim, B-R-I-M. Ok. Warren. Merci. Voilà. Et pour chaque animal, il y a une description. De l'animal, par exemple le dingo. Dingo, c'est un chien sauvage, tu vois. Oui, c'est beau, hein. Et donc à côté, alors, ouais, ah non, mais il n'y a pas la description. Bon, voilà, il y a des petites choses, mais c'est voilà, ça transporte. Ouais. Je vais être bien. C'est que. Bon, moi je vois Kikou qui veut causer, je vois Christophe qui veut causer. Moi-même, j'aurai 2 poèmes hommage quand même que je tiens à faire parce que les morts seront encore plus morts dans un mois. Et c'est une question que je leur dois. Et Kikou, voilà, il veut aussi. Voilà, je pense que. Donc dans le temps qu'il. Vas-y, Kikou, je t'en prie. Oui. Tu viens ? Ouais, vas-y. Oui. Alors c'est Jocelyn qui m'a fait écho par son discours qui a fait écho en moi. Alors j'ai retrouvé un texte en parlant de la prolifération des armes. C'est un texte que j'avais écrit suite à une rencontre avec un monsieur qui avait fait la guerre civile d'Espagne. Ah. Alors, je l'ai intitulé « Halte à la guerre ». Sur les gravats de la victoire, ils planteront un drapeau rouge sang, avec un trou dedans. Vos amis sont devenus vos ennemis, à tort. Et vous enfilez les chaussures de vos frères morts. Et vous continuerez à vous botter le derrière, même lorsque vous serez 6 pieds sous terre. Et vos sangs mêlés, vos sangs coagulés, rejoints sur cette terre, auront la couleur de la poussière. Vous étiez frères, dans l'amour, pas dans la mort, et on vous enterre. Oh! Eh bien, dans la continuité... Dans la continuité parfaite, on est, on évolue et on se transforme. C'est-à-dire que le cycle est décidément vers l'éternel. Donc la transformation, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai un oncle qui s'est réveillé un matin en parlant distinctement espagnol. Comme vous vous levez un matin et vous parlez distinctement anglais. Pourquoi cela? Eh bien parce que vous avez des vies antérieures. Et vous pouvez très bien avoir des vies antérieures d'un autre pays qui s'éveille ce matin-là d'avoir rêvé si intensément, je ne sais pas quel est le don qui émet ce réveil, mais sachez que c'est possible. Donc, il faut savoir que dans l'univers, on discute en télépathie, dans tous les langages, hein, il y a à peu près 120 langages à peu près. Bon, dans la demi-mesure, on peut imaginer que les communications se font dans un seul langage compréhensible de tous les langages. Voilà, ça doit rassurer ça. Il faut rassurer ça. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, vous avez un mouvement perpétuel qui vous permet d'imaginer que vous communiquez simplement aussi dans l'invisible. Ce que vous voyez, ce que vous dites, c'est ce que vous dites, mais tout ce que disent les gens en même temps est calculé pour que ce soit cohérent. Donc ça existe, ça. Si vous pouviez être rassuré sur ce principe, ça m'intéresserait. Donc j'ai écrit un poème, ça s'appelle « Chambre blanche ». Et c'est que ça correspond à ce sujet-là. C'est la transformation, en fait. Donc ça commence comme ça. Mais je ne vois pas pourquoi je me plaindrais. Il y a des gens au pays des glaces du froid, je le savais. Isolement blanc, pièce blanche, vider chez lit de camp, capot pas de temps. Heure de médite, pas d'aphrodite, lumière pas d'arrêt, juste le souffle et le rythme. Force de l'espace dans ce temps, garantir au corps le vide pour se remplir. Peindre des couleurs sur le vide, du temps et de la matière. Arracher à la fenêtre, peindre la liberté, de la vallée sur la vitre grattée. Un paysage, assouvir les réalités, répondre aux besoins par le haut. Votre homme vous manque et vous n'aurez de cesse que de le retrouver. C'est un changement de vie, les nerfs cassés, le souffle asphyxié. Doux plaisir que de jouir de l'obstacle. Manger la guérison en 2 jours, surprendre équilibre et diagnostic. Fondre, voyager entre Rome, Sainte-Olive et Moyen Figuier. Donc ça, c'est la vie d'un chat qui est devenu un homme, parce que le chat est parti dans l'univers, et il a tellement voyagé loin qu'il est devenu un homme, et quand il est revenu, il est passé par la rue d'Orléans à Paris 18e, Travel en stock. Donc c'est le Travel en stock maintenant, voilà. Bien, puisque la nuit commence à arriver, oui. Voilà, je vais vous parler quand même à travers des poèmes. D'abord, à travers, j'ai pas d'image, j'ai pas de peinture de Michel Alain. Michel Alain, je vous montre un peu sa photo. En tout cas, je ne sais pas si vous la voyez. Là, voilà Michel. Il y a quelques années, quand même, parce qu'elle avait 74 ans. Il faut reconnaître que c'est le journal n'a pas voulu publier cette photo. Si, l'écho des modes, oui. Mais pas l'Est, parce qu'il l'a trouvé un peu trop éloigné de sa réalité. Mais bon, elle était très belle quand même. Alors, sa peinture, je n'en ai pas là. Je vais juste lire cinq lignes qu'elle a écrites. Ma peinture est celle d'un tempérament qui aime les cascades célestes. Mon inspiration, je la puise dans la nature et ses mystères. Ces moments d'inspiration sont joyeuses. La source, non, il me manque quelques mots là. La source de cette inspiration est le silence ouvert par la contemplation. La présence vibratoire des flacons aura soma met en route mon imagination en pleine conscience, l'ouverture du cœur et de l'esprit. Cette harmonisation des plans mental, émotionnel et physique nourrit le centre de mon être, puis un dialogue s'impose entre la toile et le ressenti intérieur. Alors, elle était prof de yoga. Bon, on a eu une belle cérémonie et on lui a chanté d'ailleurs. Je ne vous le donnerai pas parce qu'on n'a pas le temps. Une transformation de Michel. Il y a deux Michel. Il y avait Michel des Beatles et c'est de Gérard Lenormand, et on avait fait toute sa vie sur l'air de Gérard Lenormand. C'était des Belges qui étaient arrivés en les années 68, sinon 70, ils se sont installés dans une ferme, les Alains, et là ils ont vécu de façon un peu marginale, et là ils ont noué des liens avec tout le milieu, et, disons, marginal des Hautes Vosges dont nous étions. Voilà, et puis après elle s'est vouée au yoga. On avait fait des réseaux de bouffe aussi, des réseaux parallèles. Bref, c'était toute une vie aussi qui voulait s'installer, qui a en partie réussi. Elle faisait partie du rêve des années 70, des hippies, si on peut dire. Pas vraiment les hippies, enfin, voilà. Elle avait traversé à l'époque de la frontière avec son mari. Ils avaient traversé la frontière belge, il y a encore la frontière, avec par les bois, dans les Ardennes, avec leur troupeau de chèvres. Voilà. Et voici le poème que je lui ai lu. Entre autres, il y avait un ami au violon, tiens, comme tout à l'heure, on avait le violoniste, Jean-Claude Luçon, au violon, sur du Béla Bartok. Et moi, je lisais ce poème. Michel, dans la lumière des espaces creusés dans l'infini, est rempli de ton visage, ton regard, tes mains dessinent le silence si plein. Une voix, ta beauté sur les cimes de l'être. Neige et soleil, ta voix lumière est un appel qui se relie aux harmoniques des étoiles. Tu prononces le vent qui active les arbres, un nœud qui nous émeut par ton chant incessant de mystère dont tu ouvres les portes. Une tache de bleu de ta peinture d'âme, tu élargis les sens à cette ligne bleue dont ton pinceau léger écarquille et merveille. Juste de l'autre côté de cette ligne, toi, Michel, parle-nous des espaces que tes yeux peuvent voir, que ton souffle pénètre aux rives infinies. Alors, pendant qu'on chantait, qu'on lisait, il y a un héron qui s'est élevé derrière nous. Il paraît, en Chine, c'est un signe d'éternité. Et sa fille, Nel, qui est vétérinaire par ailleurs, me l'a dit, elle a vu en cela un signe comme une âme, peut-être, qui s'est levée. Alors ça, c'était le poème qu'on lui a lu. Deux jours après, on avait un autre ami qui est mort. Lui, c'était un humble, je ne vais pas dire le poème, je vais l'évoquer, parce que chaque fois, on a les chanteurs qui viennent. On a chanté dans le cimetière deux fois, enfin moins cinq, moins six, bref. C'était difficile avec les doigts sur la guitare, mais bon. Et Michel Gélini, Jean-Claude Luçon, voilà. On a fait une obade à Michel, avec un autre guitariste aussi, et une obade à Michel. Michel qui lui était, qui menait son bonhomme de chemin, qui était un homme discret, qui faisait partie de la radio, faisait des chroniques comme ça, un petit peu lourdes. C'était un homme engagé aussi du Parti communiste. Il rêvait de la percée des Vosges, au temps où Fitterman était ministre des transports. Bref, il y avait écrit, bon, ça s'est pas fait, etc., etc. Il avait écrit un manuscrit, parce qu'il parlait comme ça. Il était un peu lent. Moi, je faisais la technique à la radio, je m'endormais, mais c'était intéressant quand même ce qu'il était. D'ailleurs, ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Il disait qu'il avait écrit un manuscrit philosophique non édité, panacée pour le genre humain. Bon, il avait beaucoup d'idées. Et voilà, on lui a dit ceci, on va, tu fais partie des humbles, de là-haut où tu ne crois pas, parce qu'il ne croyait pas, tu sois le scribe patient des humbles, des effacés, pour qu'ils soient moins effacés. Voilà, un peu un effacé, un humble, et bon, il fallait que je donne quand même quelque chose sur lui. Et je finis quand même par ce poème que je n'ai pas lu. J'étais parti, je n'ai pas lu aux obsèques de Rudy, mais j'ai sur Facebook ou ailleurs, que tu l'as lu d'ailleurs, Marie-Pascale, je lui ai dédié un poème qui symbolise un peu tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il peut signifier, encore. Rudy, archange de soleil, tu survoles la mort. Je rappelle Rudy, tu as évoqué Marie-Pascale au début, c'est le patron de l'estaminet qui était. Bon, tu l'as évoqué largement au début. Voilà. Rudy, archange de soleil, tu survoles la mort parce que ton rire reste qui hache les moments de deuil. Et plus que tout ton rire, même emporté un moment funeste par le désespoir, est dans nos oreilles, comme un appel de vie. Se battre, tu as toujours su te battre, en rigolant en plus. Trop sérieux s'abstenir, à l'estam, aimer. Tu nous appelles à nous battre, refuser la fatalité, les convenances, les contraintes, les oukases administratifs. Oui, il t'a abattu ce coup-là, mais ta force multipliée en 10 000, 100 000 voix fait révolte de vie répercutée. Maintenant, ton âme s'envole, survole tout le pays, et clame. Si on meurt, c'est pour de rire, croyez-moi, et regardez là-haut, c'est moi dans le soleil, avec vous, à toujours. Voilà ce qu'il nous dit, Rudy, peut-être, ce que je crois qu'il dit, et qu'il aurait dit, c'était son genre à le dire. On faisait d'ailleurs des émissions directes à la radio, chez lui, dans des groupes musicaux, de la poésie aussi, qui venaient. Voilà le Rudy qui. L'aura qui nous laisse quand même. Et il n'y a jamais eu tant de. Tu l'as dit d'ailleurs, il n'y a jamais eu tant de messages sur le blog de l'UEV, que j'ai répercuté beaucoup de messages de Facebook d'ailleurs. Il y a eu 400 ou 500 visiteurs, rien que pour lui d'un seul coup. Là. Et ça a marqué, y compris le Macron, y compris le préfet, hein, vous savez. Et ça, c'est aussi, à l'heure actuelle, là on a les réseaux d'être qui existent, et on se demande quel combat pour la culture, tu l'as évoqué aussi, par cette lettre aussi de qui a beaucoup marqué. Et donc, cette lettre de Charles-Élie Couture, c'est ça, qui a aussi beaucoup eu de visites aussi, parce que ça marque énormément. On en est là, alors qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, il y avait avant hier, une vidéo que j'ai loupée, j'étais dans le train, pas tout faire. Tu étais? Hein? Ouais. Tu étais à la vidéo? Non, j'ai pas pu y aller à la vidéo. J'ai envoyé un texte, des textes pour dire voilà ce qu'on peut espérer, et l'idée c'est de faire des sortes d'actions, on se demande jusqu'où on peut aller, vers peut-être la désobéissance civile, en tout cas vers des actions marquantes, pacifiques, mais peut-être artistiques en même temps, pour manifester la culture à Épinal ou ailleurs. Voilà, on est en train de. C'était la réflexion d'hier de Réseau d'être qui aboutira, je ne sais pas quoi, mais qui donnera quelque chose. Voilà. En tout cas, voilà l'espoir que. Enfin, l'espoir. Ouais. Les lignes de 2021 sur lesquelles on peut partir, lancer. Et en ce soir de pleine lune, notamment, répercuté par les énergies, paraît-il contradictoires en ce moment, selon les astrologues, mais ça, à la fois conflit, on est dans un moment de conflit et de changement, bref. Tout ça, c'est à voir, et c'est certain que ça bouge beaucoup, sur tous les plans. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Juste pour corroborer sur Réseau d'être, hein, j'ai participé à la visio hier. Ah, tu y étais? Ah, parfait. Ouais. du coup, effectivement, il y a des petits projets qui viennent. Voilà, on va sortir dans la rue. Oui. On fera de la musique dans la rue, pourquoi pas, et on va passer à l'action, quoi. Voilà. Appuyez, c'est bien. Il y a déjà une fête qui est prévue à Cornimont, hein, au 20, donc comme toi TDO, hein, fête... au 20 février voilà, 20... Non, printemps, 20 mars. Ah oui, d'accord. Il y a d'autres choses prévues, d'aller dans les EHPAD, devant les EHPAD, ouais. Faire de la musique, plein pot. Parce que les EHPAD, je veux dire, les personnes âgées ont besoin, on est privé, moi je suis art-thérapeute, il n'y a pas de boulot. Alors que c'est crucial. Voilà, et il y a aussi autre proposition, donc ça, les EHPAD, et puis de se mettre devant les supermarchés pour aller interpeller les gens et leur faire de la culture. Leur lire des trucs, faire de la musique et tout ça, bon, ben, voilà, quoi, bon, ça commence à bouger. Après, j'ai trouvé qu'on est encore beaucoup, enfin, c'était vraiment des doléances, et des plaintes, et il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on fasse des choses, hein, parce que, évidemment, c'est catastrophique, hein, ce qu'on est en train de vivre, mais... j'ai ressenti aussi une certaine difficulté à aller au-delà. On en est encore un an après à se dire il faut se réinventer. Il faut cela. Et bien, réinventons-nous. bon, bref, voilà. Et puis, il y aura donc une prochaine réunion. Tu seras sûrement contacté. Oui, oui. Pour, ah, ben, je ne savais pas que tu étais, c'est tant mieux. Très bien. Oui, oui. C'est pour ça que j'en ai parlé. Alors, je ne sais pas si les eaux d'âtre, ça existe ailleurs, dans les autres départements, ou si ça... C'est une question que j'aurais pu... Il y a des choses similaires. Les eaux d'âtre, c'est départemental des Vosges, effectivement. C'est... de se connecter avec les autres et de s'aimer, hein, c'est vachement important, hein, ça, de pouvoir... Ouais. Donc voilà, c'était sur réseau d'âtre. Donc, merci pour ces hommages. Que tu as fait là à ces artistes de Haute-Vosges et puis qui ont rayonné aussi, hein, beaucoup, oui, c'est pour ça. Au-delà, j'espère que ça passera. C'est pas dit, peut-être. Je maîtrise rien, hein, sur les pages Lorraine, ou j'en sais rien. Bon, c'est possible que ça passe quand même l'hommage la semaine prochaine, je sais pas, d'accord. Ouais. Et ceci, ce que nous faisons en ce moment, passera sur RGM, mais. Sûrement dans 15 jours, puisque demain c'est une autre émission. Ou un mois, c'est le vendredi soir. Et en tout cas, nous dire. Mais pour RGM, c'est pour demain soir, par exemple, je le dis en même temps que j'enregistre, c'est pareil. Pour RGM, il suffit d'aller sur Radio Line, Radio Gay Mozo, G-U-E-M-O-Z-T, et de contacter, on tombe sur l'émission en cours. Bon, ça sera demain soir à la mienne. Donc ça sera il y a un mois, là c'est lundi d'il y a un mois, que j'ai retravaillé, ma foi, malgré les incidents Est-ce techniques. Est-ce que ça a été le son, ça a oui, oui, oui, oui, ben, moi je trouve, ce qu'il y a c'est que après à la radio ils arrangent un peu, ils montent, parce que c'est très disparate de l'un à l'autre. Mais, bon, j'espère que ça va. Moi, à mon montage, ça allait sur mon ordi. Après, je sais pas. Ici, ce soir, ça me paraît beaucoup plus net. Voilà. Voilà, effectivement. Alors, quelques précisions. La fête du 20 mars du printemps, c'est en principe au Jardin des Panrées. C'est Yvan Marchal qui a prévu ça. Alors, avec des artistes de toutes sortes. Alors, est-ce que ça aura lieu? J'ai écrit à Yvan, il n'y a pas longtemps. S'il entend, on n'est pas dans la zone d'écoute du Cornimont, enfin... il y a offre de nos musiciens, théâtreux, etc. Puisque on était aussi dans la rue qu'évoquait Marie-Pascale, mais je rappelle que c'était le 28 février, janvier, là, l'enregistrement. Donc, Elle a fait écho aussi, c'est le cas de le dire, à l'Écho des Vosges où elle fait des articles. Et il est passé un article sur Michel Grassler, je crois, il y a 15 jours. Sur Michel Alain, je ne me rappelle plus, je ne crois pas. Elle a essayé, mais bon, elle a beaucoup de thèmes. Comme je l'ai dit, elle a publié sur l'appel du 23 janvier de Strasbourg. On attend sans doute le reportage sur la fête du 21 février, la semaine prochaine. Bon, elle y était, voilà, enthousiaste, beaucoup de photos. Voilà, il y aura beaucoup de choses. Voilà. Une chose que j'ai oubliée, en cours de route, enfin, j'en reparlerai peut-être un petit peu, bien que le temps s'amenuise et il y aura surtout en dernière partie quelques échos de la fête du 21. Il y a samedi le poste de secours culturel. Alors, c'est à Léo Lagrange, si vous voulez savoir, vous renseigner. Mais sans doute à l'heure de diffusion ce soir, vendredi soir, c'est pour samedi et ça sera un peu juste. Il s'agit de petits groupes qui visiteront des 4 artistes amateurs professionnels en des séquences de 10 minutes. C'est une idée pour revitaliser la culture. Alors tout de suite, tiens, je reviens à un groupe performant que j'avais rencontré au Plateau Ivre. Quelqu'un me faisait remarquer que vendredi à Épinal, il n'y avait pas effectivement des pros de la culture vosgienne, mais bon, on va quand même passer. Cela, c'était le groupe de... Ça s'appelait Les Sorcières... c'est des sorcières, justement. Strange Ladies, voilà. Ça va bien, ça va très bien, Marie-Pascal, ça. Strange Ladies. Un petit bout de Baudelaire, avec ses filles que j'avais vues, de Nancy, que j'avais vues au Plateau Ivre il y a 2-3 ans. Ladies, trois nanas super allumées, ça irait bien dans les Sélénites d'ailleurs, c'est sûr, en plus qu'elles sont à Nancy, mais même par visio, ça va très bien. Voilà, donc la prochaine Sélénite d'ailleurs, c'est demain soir, 28 février, alors on verra, mais là, ça sera en différé, bien sûr, 15 jours après, et parfois un mois après, quand c'est trop long, maintenant je coupe un peu, pour le confort de l'auditeur, n'est-ce pas? Voilà, pour l'intérêt de l'auditeur. Bon, Sélénite 7, alors, avec qui avec, on parle de RGM, justement, on parle encore de Michel, et Ben, on va voir ce que ça, ça va raconter. Hein. Voilà. On va voir, on en saura plus en écoutant. La meilleure façon de savoir, c'est d'écouter. C'est tellement vaste, le sujet de l'Australie, du monde aborigène. Il y a tout. La peinture est absolument magnifique. Effectivement, aujourd'hui, c'est dans l'art contemporain, c'est l'art aborigène. Ce sont des toiles qui sont vendues des centaines... Oui, autant pour moi, je l'ai passé précédemment. Donc, c'est l'unité 8 que je dois passer. Oui. On se trompe, hein, quand on fait tout à la fois. Voilà. Mais on n'en parlait pas, madame. Ou parlement. Mais on a aussi... Mais ça dépend. Et donc, on pourra le trouver ensuite sur le site Gemozo, pas Radio Gemozo, mais Gemozo tout court, G-U-E-M-O-Z-T, la page Facebook de Gemozo. Donc on peut y aller, même les émissions d'avant. Bon, on se fera une idée. Ça. Ah, on peut trouver... Tu peux retrouver, parce qu'on n'a pas le podcast ne marche pas en ce moment, le site ne marche pas, mais l'IA, il faut la nommer, monte la chef d'antenne, enfin, la responsable d'antenne, mais sur les émissions, quand je lui demande, en principe, les met sur la page Facebook de Gemozo. Et par ailleurs, donc, autre chose, le blog dont on a parlé, qui arrive maintenant à 19 000, il a malheureusement beaucoup monté à cause de Rudy, hein, mais bon, j'accueille les poèmes aussi, j'en ai publié de Kiko, hein, tu peux m'en envoyer, de Christophe, de Marie Pascal, bien sûr, encore il n'y a pas longtemps, de qui le veut, Reine, si tu as des textes, et toi, Jocelyn, aussi des textes, pas forcément d'ailleurs des textes ou des références de bouquins, c'est important. Alors, il y a une quarantaine de visiteurs par jour. Bon, maintenant, ce n'est pas encore organisé tout à fait comme je le voudrais. Ça se présente un peu comme Facebook. C'est-à-dire que la dernière information se met en une par rapport aux autres. Mais il y en a beaucoup qui cherchent. Voilà, encore hier ou avant-hier, j'ai eu un grand peintre, Wolfgang, qui est un Allemand, qui est décédé lors du Covid, je crois, et à Pâques, et il avait une dizaine de visites sur une page qui est parue il y a 6 mois. Donc il y en a qui cherchent. Vraiment, ça recherche. Mais je vais essayer de l'organiser mieux, mais même en attendant, c'est intéressant parce qu'on a quand même les pages de texte, auteur ami, etc. Bon, bref. Il faudrait que tu te trouves quelqu'un, un technicien. C'est possible. Justement, Catherine Spitz m'avait proposé de réorganiser les choses. Donc, Catherine, qui était au Sélénith, m'a proposé de retravailler un peu la mise en page. Alors, à voir, ou bien quelqu'un d'autre. Mais ça. Disons que ça. Je pensais, est-ce que l'UEV n'aurait pas les moyens d'embaucher par le biais du service public un jeune qui travaille dans le numérique? Ben, moi, tu en connais un, de jeune qui travaille dans le numérique, Marie-Pascal, mais... Non, mais il a quand même été utile. Il n'en peut plus de sa mère. Hein, mais c'est sûr. Mais je veux dire que lui pourrait se voir. Maintenant, elle n'a plus beaucoup de moyens, l'UEV. Il n'y a plus de subventions. Non, justement, je parle du service public parce que ça permet, c'est une rémunération. Mais c'est une question à étudier. Je sais même pas tout à si fait. Ça existe encore. Hein, si, ça existe. À la radio, on a ça à la radio. À la radio, on sait faire avec ça. Mais pour l'UEV. C'est évident que les jeunes sont hyper doués. Enfin, voilà, ils maîtrisent un truc. Ils vont aller beaucoup plus vite pour faire On avait eu un emploi à l'époque mixte entre deux associations. Mais bon, ça a duré un moment. Il était payé. Il travaillait, il faisait du secrétariat pour l'UEV et pour Recréer. Donc voilà, c'était. Un système de emploi aidé, enfin voilà. Bon, Tout ça existe et tout ça peut aider ça, aussi. C'est utile, hein. C'est vrai que le blog, il est très sympa parce que bon, c'est ouvert, hein, comme tu disais, Jocelyn, tu peux envoyer des textes. Hein. Oui. Tu peux envoyer des... pas des romans complets, mais tu peux... En PDF, je peux publier n'importe autant de pages qu'on veut, hein, en PDF. Là, il suffit de mettre un lien, voilà. Mais donc là, tu peux m'envoyer tes références de bouquins. Là, voilà. Donc il faut que tu donnes ton contact. Enfin, oui, on vient de se le faire sous la table, tout à l'heure, ici, dans la conversation, pour pas interrompre les conversations centrales. Voilà. Et donc je fais un appel parce que c'est un support, entre autres, comme les Sélénites sont un support, comme la radio est un support. Radio qui d'ailleurs, bon, normalement on a aussi, Jocelyn, une coordination des radios des Vosges dans laquelle on fait partie. Sauf que leur format est plus réduit que le mien. Moi je peux faire là, ça fait des émissions de 2h30, 3h le vendredi soir, ça, je peux les faire. Est-ce que c'est tout à fait écouté? J'en sais rien. Est-ce que les gens prennent un bout puis reprennent un autre? Ça c'est à savoir, mais il faudrait le distiller en petits bouts. Mais les autres radios font du 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes peut-être. Et on est dans la coordination des radios des Vosges. Voilà. D'accord, super. D'accord. Voilà. Vincent, est-ce que Philippe... Christophe, il est parti, il revient. Je pense qu'il a fini, il a tout dit. Non, je sais pas. Oui. Non, il n'a pas tout dit. Parce oui, que... dis-moi. Parce que... Est-ce que tu es toujours en bataille avec cet esprit-là qui te fascine là, que... voilà. Eh bien, il me fascine, mes esprits, ils sont tous bien vivants, mais j'ai un conflit permanent avec l'esprit opposé de l'inverse de ce que nous vivons. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en s'y mettant tous ensemble là? Ben non, c'est mon travail personnel. Mettez-y beaucoup d'amour, entrez en prière demi-personnelle, dans l'attention sur soi, soyez très attentif à vous-même, car c'est le début de votre créativité qui va être bouleversée. Vous avez acquis 10% de ce que vous savez, voilà. Voilà, c'était l'air de Michel de Gérard Lenormand, sur laquelle il y avait 10 couplets dont je ne vous parlerai pas, mais que vous pouvez imaginer, qui raconte la vie de cette fille qui peignait les... Son atelier s'appelait le mandala intérieur. Voilà, c'était tout, et sa peinture c'était ça aussi. Je n'ai pas pu en montrer. J'ai envoyé une photo d'un Bouddha qu'elle avait fait. Voilà. Mais je ne l'ai pas. Voilà. Voilà. C'était pour. Voilà. Est-ce que quelqu'un. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole avant de finir? J'ai mis. Non, ça va là. Tiens, t'en veux une? Ah, de la bière de Noël? Ouais, avec du coin de chez trop, mais pas de trop, quoi, voilà, du coin trop. C'est du coin trop chez vous. J'ai démarré ma chronique, parce que j'ai écrit un petit peu avant, en parlant des gens qui finalement... Ah. Qui? Yeah. On t'a perdu, Marie-Pascale. Oui, Marie-Pascale. Ah. Je vais me faire un petit coup de pied. Ça y est. Tu es à nouveau. On t'avait perdu. Des gens qui quoi ? On t'a pas entendu, Marie-Pascale. Oh. Oui, c'est pas grave. Je disais que j'avais commencé ma chronique pour cette fois-ci en parlant des gens puis parce que bah, Cunégonde n'arrive pas à remplir son salon, n'est-ce pas? Et là, j'avais Mélusine à ma porte, mais elle a coulé. Elle peste contre les gens qui veulent pas, lire et qui. J'en avais bien d'autres que j'ai pas invités, hein. Marie-Pascale. Il y en avait plein que j'ai pas invités parce que j'ai pas voulu envahir le salon, justement. Moi, il y avait des personnes qui étaient là la dernière fois. Non, mais je suis dans le vrai salon, hein, parce qu'à la base, c'est quand même pas virtuel, c'est une cave. Oui, oui, bien sûr. Faire une bouffe ensemble et puis partager du temps, quoi. Donc, voilà, que Cunégonde pestait contre les gens qui préféraient briller sur Facebook que dans un salon et qui en étaient réduits à manger des chips. De la bière de Noël, en attendant que ça se passe. Bon, maintenant... Oui, mais c'est monastique, hein. Voilà, donc vous pouvez... Maintenant... Vous pouvez retrouver mes chroniques en entier sur mon site mariepascale.fr. Marie-Pascale, tout attaché, sans manuscule. Quoi dire, c'est pas fini, mais je l'offre comme ça. Je travaille sans droit d'auteur. Je travaille en licence commune créative, libre de droit, partage et tout ça. Très bien. Mais je donne quand même un exemple. Pour le partage et la culture. Alors je donne quand même un exemple, même si on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours prochains. Mais nous, par exemple, samedi prochain, on a quand même l'après-midi qu'on avait fait avec toi, justement. Sur le feu cra, que j'ai passé à la radio également. Ah oui, oula, qui devait être, c'est incroyable ça. Et ouais. Ça s'est bien passé. Enfin, je pense que ça s'est bien passé dans la radio. En tout cas, pour nous, ça s'est bien passé. Il y avait Aïssat qui était là, qui n'a pas osé rentrer tout à l'heure. Mais disons que Aïssat est une Mauritanienne, hein, une franco-mauritanienne. Et on... Oui, elle est belle, moi. Et je sais qu'une semblable chose va se faire chez Sylvie. C'est Sylvie, la semaine prochaine, Sylvie qui était là, qui nous recevait, mais dans le temps de midi, alors évidemment la pleine lune dans le temps de midi, c'est difficile, ouais. Mais dans le temps de midi, des réunions avec repas sont possibles, et évidemment on s'en va à 5h, ou on dort sur place après, elle organise ça la semaine prochaine avec des musiciens. Donc, semblable réunion, évidemment, sans la lune, à midi, pourrait avoir lieu dans les conditions actuelles si elles deviennent pas pires. Voilà. Toujours les Strange Ladies. Jazz Ladies. Alors, dans la précédente séquence des Sélénites, j'ai donc évoqué Joël Lassus, tiens, qui a été... Je ne l'ai pas nommé, mais c'est lui qui a été en emploi aidé. Enfin, bon, bref, puisqu'on évoquait ça. Et Joël Lassus qui est mort, il y a déjà pour les 30 ans de Radio Guémozo, ça fait déjà un moment. Il animait une émission... Ça a été Balade Celtique et puis Cannes en Doigt, une célèbre émission dont il faudrait qu'on repasse des éléments. Il a été évoqué aussi, on a entendu la voix de Rennes que j'ai oublié de citer, parce qu'on a entendu surtout par un conte à la Lune, le Lièvre de la Lune, dans la précédente édition, il y a 15 jours. Et puis Rennes de Rambouillet, bibliothécaire là-bas. Et puis j'évoquais aussi, mais c'était... C'était pour le 6 février, hein, une réunion amicale avec des musiciens, dont certains qui étaient présents à la fête, à la marche fleurie du 21 février. Donc c'était le 6 février avec Popol, Michel Génini, moi-même, et puis il y avait aussi Mathieu. J'en ai diffusé de bons extraits la semaine dernière et c'est toujours disponible dans le magasin. Voilà, donc on va passer maintenant à la dernière partie de la Sélénite de 2 janvier, sachant à nouveau qu'il y en a une nouvelle demain soir, puisque c'est déjà le 28 février. Voilà. Alors, on s'interroge un peu justement sur la formule, voilà, vous allez voir, c'est intéressant aussi. Et vous entendrez Kikou, Christophe, et puis à nouveau Jocelyn qui évoque la radio, une radio du ami du Sengo, qui paraît bien intéressante, Radio Quetch. Ben vivement direct, hein, vivement direct. Hein. Ouais, ouais. Alors, en même temps, ça nous permet quand même de franchir des distances. Hein. Là, on est avec Jocelyn à Colmar. Vous avez franchi des roches. Ouais. Voilà, on est avec Reine-Marie qui est à Rambouillet, Paris. L'année dernière, deux Sélénites plus tôt, ou une Sélénite, on était dans la forêt noire en Allemagne. Voilà, tu vois, ça ajoute un plus. Quoi. Bon, donc je sais pas si après on va pas garder quand même ce côté, pas faire salon, puis en même temps avoir des gens. C'est très compliqué à gérer, mais c'est sympa aussi. Le nombre qu'on était presque largement suffisant pour remplir le contenu et d'une émission intéressante que j'ai enregistrée. Avec beaucoup de diversité. Et t'as un poème encore ? Ouais. Ah bon, c'est cool qu'il y a encore un poème. Mais, donc je vais aller vite. Et simplement, si on avait été une quinzaine, bon, le temps de parole de chacun aurait été plus limité. Mais comme on avait été, d'ailleurs une fois, on était beaucoup plus nombreux, c'est intéressant aussi. Et avec des plasticiens qui montrent leurs œuvres, tout ça. Bon, je veux dire que là, on avait de quoi faire quelque chose de très intéressant ce soir. Mais en même temps, on a approfondi l'Australie, ouais. Ton témoignage. Pour moi, ça paraît compliqué. 15 personnes, ça paraît déjà compliqué. Parce que je dois gérer, surveiller. À la visio. On m'interpelle. Surtout ce soir. Ce soir, on est en problème avec Zoom. Mais bon. Et c'est pas mal de mettre quand même un coup de projecteur, par exemple de prendre du temps avec Jocelyn, oui. Avec nos jeunes filles là, de l'école de lutte. Oui. Bon, c'est dommage de balayer ça en 10 minutes. Et si j'ai 20 personnes, ça va être trop, quoi, je pense. Puis après, enfin, peut-être que c'est peut-être tout ça c'est à expérimenter en fait. Hein. Mais oui. n'ai pas invité des gens qui étaient là même la dernière fois, hein, ou qui étaient à l'atelier d'écriture, ou qui étaient... ou qui était à ton atelier d'écriture, ou qui était en visio aussi, ou qui était à la fête du fast... Oui, c'est des gens qui ont participé aussi, moi je suis bien conscient. Et hein. Alors c'est vrai qu'il y a du désir. Si, il suffit, moi, je désire les gens, mais alors, à la limite, bon, si j'en avais invité deux ce soir, c'est tout, qui ne sont pas venus. Et justement, qu'on invite, pour en avoir deux, il faudrait inviter 20, hein. C'est aussi un principe. C'est un principe. Ça, c'est l'habitude, c'est l'habitué dans les assos. Tu pour avoir deux personnes, tu en habites 20 ou 100. À partir de 20, c'est un débordement. Il y a Kikou qui voulait lire un poème. Bien avec les gens avant, tu vois, pour mettre en place quelque chose, en discuter de ça. Bon, ok, ça le branche, donc je sais qu'il va venir. Je veux dire, mais l'intérêt, c'est aussi, bon, là, on retrouve Rennes. Là, on retrouve Rennes d'une fois à l'autre. Là, ça serait bien quand même qu'on se retrouve. Bah, évidemment, on n'a pas la même, découverte des uns des autres dans une deuxième ou troisième fois. Mais en même temps, on c'est différent. Mais ça serait peut-être intéressant que ce réseau, que Sélénite, se constitue d'une façon, je ne dis pas stable, ça n'existe pas, mais assez filé, quoi, et qu'on ne perde pas les gens qu'on a vus aujourd'hui, que ce soit on reste, ce n'est que le revoir des frères, voilà, mes soeurs, voilà, que Kikou, on le retrouve, et Rennes, on le retrouve, voilà. Donc ça serait intéressant, moi je trouve, mais c'est mon avis, de continuer à tisser les liens, les gens qu'on aperçoit, voilà. C'est l'esprit, hein, de toute façon. Oui, après, oui. Moi, je suis que pour faire un roulement, il y a quelques personnes qui reviennent deux fois, trois fois, vous venez, puis après on intercale, et puis on se recouvre. Ben, après, nous... peut-être qu'il faut prendre tout le monde, mais je ne sais plus, je ne sais pas trop. Ben, ça se distille de soi-même, en fait. Je veux bien revenir mais à un banquet physique. Oui, oui, voilà. Ah oui, mais tu as invité, Jocelyn. Et tu sais que c'est André Larivière, on parlait de lui, là. Il est tout à fait partant. Alors, il a lu un peu les chroniques des mondes. Il est partant. Hein. Lui, c'est en live. Donc, à chaque déconfinement, il s'en va à droite, à gauche et tout ça. C'est un personnage qui a un péricidal, André. C'est un Québécois qui fait bien son âge, mais ouais, il doit avoir 70, 75. Quoi, 73 ans. Moi, je ne viens pas parce qu'il y a André Larivière. Hein, c'est ça me ferait marrer de faire une sélénite vidéo avec André Larivière, parce que ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu, donc ça serait sympathique. Mais André Larivière, je l'ai déjà tellement entendu parler que si je pouvais me retrouver à une table, à un banquet avec d'autres personnes, des Vosgiens, que j'ai découvert ce soir et d'autres que je connais déjà, toi, s'il y avait, je sais pas, Jean-Luc, d'autres personnes, parce que, ouais, je pense que, voilà, il y a en effet, comme disait Vincent, il y a des choses encore à continuer, à échanger, que ce soit au niveau radio, au niveau écrit, ou plein de petites choses, parce que moi j'ai encore une dynamique à être présent sur les radios associatives en Alsace, donc je pense qu'on a, on a des choses à faire aussi avec Guémozo. Je suis bien content parce que je crois qu'une fois j'ai envoyé un mail, je ne sais pas à quelle adresse, pour Guémozo. Je ne sais plus quand. Et du coup, là, je suis même content qu'il y ait un contact visuel avant tout. Super. Ouais. Figure-toi que chaque sélénite, il y a quelque chose qui débouche. Il y a quelque chose qui des connexions et des projets qui vraiment, c'est moi, je trouve ça formidable. Et puis l'idée, qu'effectivement, de changer. Changer de contexte, changer de personne, changer... Bon, moi, je rebondis sur André Larivière parce que je viens de faire sa connaissance il n'y a pas très longtemps, et puis que je trouve fort sympathique, et voilà, quoi, donc... c'est vrai qu'il faut sortir de... On a ses copains, ces gens qu'on connaît, d'aller à la rencontre d'une personne, voilà. Ouais, alors, tu vois, moi, André, ça fait peut-être 20 ans que je le connais à peu près. Ça va, je l'ai pas. Tu es en train de me faire comprendre que Ouais, pour l'entendre, ça me ferait plaisir. Mais après, il y a plein de choses sur lesquelles je me suis éloigné. On a pas mal parlé de nucléaire. Je continue à être militant anti-nucléaire, corps et âme, comme on dit. Mais en même temps, c'est plus ma préoccupation première. Il y a beaucoup de choses. Et en fin de compte, souvent, je suis sur les trucs radio, je suis sur la presse alternative. Mais je suis sorti du réseau Sortir du nucléaire, justement, pour aller un peu plus vers les gens. Et avoir du temps et aller vers d'autres dynamiques aussi. Et là, je me dis que voilà, quoi, j'ai déjà quelques contacts du côté vosgien, toi que ce soit Hélène ou Stéphane Mabour. Et du coup, je me dis qu'il y a encore des choses à creuser et des choses à faire, justement aussi avec Radio Guémozo, parce que j'ai des copains qui ont créé une radio dans le Sungo. Donc le Sungo, c'est le sud d'Alsace. Donc leur radio, ça s'appelle Radio Quetch. Pour l'instant, ils sont uniquement sur le web, mais fin février, ils ont la FM. Et du coup, je pense que voilà, on va développer encore plein de choses avec eux parce qu'ils ont vraiment une super belle énergie. Et je pense qu'il y aura des échanges à faire avec eux, quoi, des partenariats, des interviews croisées, des choses comme ça. Oui, oui. Ça va être bien. Parfait. Mais on a battu 50 ans. Vous avez vécu cette sérénite. Ça va ? C'est bien passé ? Il y a Kikou qui a un poème encore. Kikou, il y a un poème. Ah, ben allez, Kikou. Ouais, bah c'était pour faire écho à la discussion que vous avez eue, Marie-Pascale et Jocelyn, à propos des écrits saints, de la tradition orale, etc. C'est un texte qui, j'espère, je vous livre comme ça, vous faites ce que vous en voulez. Ah, ce texte-là où tu crains de froisser les auditeurs. Je crains de froisser les auditeurs et je ne voudrais pas que ce soit le cas. Donc Vincent, si tu l'estimes, tu le censureras. Ah bon ? On verra. Oui, tu as cette responsabilité. Je n'en censure rien, moi. Exactement. Ok. Alors, il s'appelle Religion Mouton. Robotisé. Ils vous ont imprimé la bonne façon de penser. À vous. Troupeau de bêtes humaines. Le berger sacré vous a matraqué et parqué dans les jardins du raisonnable et du raisonné. Et il appelait ça l'Éden. Moi, je l'aurais plutôt nommé la peine aux âmes basculantes. Mais vous avez prié sur l'autel. Vous avez bêlé. Et ils vous ont entendu. Ces religieuses vous ont dévoré vivant, par derrière. Lorsque vous écoutiez vos prières, et même si vous aviez pu hurler, autre chose que des louanges, l'auriez-vous fait? Tout vous semble si parfait, tout est si bien programmé, le trompe-l'œil divin fonctionne si bien, vos réactions suivent pas à pas les prévisions, génuflexion. Essayez d'écouter la raison, mais après tout, à quoi bon? Vous êtes soumis, sacrifiés, ils vous ont lobotomisés, évangélisés. Amen. Amen. Oui, amen, oui. Ramonchamp, mais je sens pour la prochaine fois, là. Oui. La prochaine fois. Oui, mais j'ai quelque chose à dire sur Ramonchamp. Ah, vas-y, allez. Eh ben, voilà, je vous propose une question. Et pendant que Colombine, elle fait de la balançoire, qu'est-ce qu'il fait, Pierrot? Ah ben, il pousse. Il est dans le vent. On adore la poésie. Poésie quantique, c'est quantique. Ouais, ouais, là, c'est quantique, là. Mais Kant avec un K. La philosophie de l'absurde de notre Christophe. Moi, c'est only for amusement. Only for amusement. Tu vas le publier, ton bouquin? Ben, je vais essayer parce que je réunis les sous, là. Ah. Voilà. Et puis j'écris plus encore pour en remettre dedans et faire un almanach. Pour le publier l'année prochaine. C'était chouette hier, la dernière fois, tu avais même fait un poème sur les sélénites, c'est tout, hein? Ouais. Oh là là. Tu pourrais me renvoyer ça, parce que j'arrive pas à te contacter, hein. C'est injoignable. Ben, moi, tu sais, mes activités d'agent secret m'interdisent de t'en parler, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Je vois plus personne. Je vois plus. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que je m'écroule complètement d'épuisement. Dis au revoir. Oui. Ok. See you soon. Au revoir. On n'entend pas tes batteries. N'oubliez pas, pendant que le mec il monte aux arbres, la fille elle refait la tente. La tente. Elle refait quoi? La tente. Elle refait la tente. Le mec il monte aux arbres, elle fait la tente. Donc ne vous inquiétez pas, vous la retrouverez, votre bien-aimée. Elle est là quelque part, elle a pas refait le lit, c'est tout. Mais j'en ai une dernière pour être moins creux sur le final quand même. C'est tu es il, je suis je, tu es il, je suis je veux être il, plus facile pour être nous. Tu es il, je suis je veux être il. Oui, mais l'important, c'est de retranscrire la réalité. Je reviens de loin, là. Imaginez, j'ai consacré ma vie à étudier comme un japonais, et voilà que j'apparais sur la scène. Donc, mon rôle est prépondérant. Je dois répondre de la meilleure façon qui soit pour être compris du plus grand nombre. Voilà. Oui, mais tu pratiques pas. Écoute, tu es sur le chemin. Mais oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Après une part d'obscur, c'est pas un problème non plus, hein. Non, c'est un clair obscur, hein. Ah. Ah oui, c'est du domaine de l'art, mon contemporain. Oui, au début on comprend rien, je sais bien, mais progressivement tout de même. Voilà, on finit par de l'absurde, non. Sachez que je peux très bien réapparaître sous un autre visage, cher Jeannie. Ah, Par exemple, me réveiller un matin. Voilà. Bon, on pourrait parler des Shadocks aussi, ce serait bien. Voilà. Mais c'est... Voilà. Prenons nos balais et rejoignons la Lune. Oui, voilà. Orbite. Veuillez comprendre que je ne suis pas absurde, mais surréaliste, hein, mes amis. À bientôt, ne vous y perdez pas. Orbite, en notre orbite, là. Ah oui, il y a la nuance entre surréaliste et absurde. On en parlera la prochaine fois. Oui, oui, oui, c'est ça. Voilà, merci. Allez, à la Lune. Rejoindre la Lune sur les ailes du corbeau. Ouais, voilà. Oui. Exactement le symbole fort. Salut. Je suis obligé de rester dans le Marie-Pascal. Allez. Merci Marie-Pascal. Faites gaffe à vous. Voyez ça, je ne mets pas trop. Merci beaucoup. Vas-y. Et merci pour les violons. Superbe. Tchuss. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. L'enfer, le paradis. L'éternité. De la technique enfermée dans l'informatique. Qui a dû lancer les paris pour l'intention? Rejoins le paradis. Hein. Le paradis, tout de suite, pas de purgatoire, je passe devant tout le monde. Sept étages, fais gaffe. Sept étages. Tant que tu n'arriveras pas, on restera là. Hein? Hein? À hanter la nuit. On ne bougera pas. Non, mais après, on reste si là. Si j'éteins mon ordi, là... Électriquement, tu veux dire. Quoi? Électriquement. Arrache la prise, Marie-Paul. Marie-Pascal, pardon. Oui. Et puis, il suffit d'éteindre l'ordi, au pire. Oui, ou le disjoncteur, ou le disjoncteur. Oui. Ah, ça y est, bah oui, c'est marqué, ça a tout en rouge, et c'est vachement facile. J'étais un petit peu en suspens. Voilà. Et donc, maintenant, on va revenir à la manifestation, enfin la marche Fleury-d'Épinal, dont on a eu des éléments importants et fabuleux dans la première partie. Et maintenant, je vais revenir au cœur de la manifestation. Là, on va se retrouver séquence qui se passe vers la place des Vosges, ou en allant dans la grande rue Saint-Michel, je crois. Voilà. Avec notamment les trompettistes fabuleux aussi, que je vais vous faire entendre. Alors, voilà, on va finir sur quelques extraits de cette marche en rappelant que la prochaine a lieu le 14 mars. Avec la sonnette. Voilà, donc c'est avec Christophe Toussaint au piston, un autre trompettiste que malheureusement je n'ai pas identifié, mais non moins excellent, et puis Giraffe, Christophe Chastel, à la petite guitare. C'est 350 environ selon Vosges Télévision. Il y a eu plein de reportages. Vosges Télévision le jour même, avoir un replay. Via Vosges le lundi, donc 22. Oui, 22. Et puis Radio Gemozo ce soir. Et puis d'autres encore. Dont l'écho des Vosges la semaine prochaine, je pense. Et puis Vosges Matin, et puis divers sites. Et puis le blog de l'Union des écrivains vosgiens qui a fait 18 articles là-dessus. Hein, le blog lesécrivains.canalblog.com. Ça, il fait bon en plus, c'est ça qui est extra. Ah, puis il y a du monde quand même. Ouais. Au moins 300, je ne sais pas. Je n'ai pas calculé, mais je n'ai pas calculé. Oui, il n'a pas calculé, le monsieur. Oui. Bon, mais je vous dis 350 plutôt. Allez, le Vosges Matin disait 200. Vosges Télé, non, FR3 disait 350. Il serait peut-être plus vrai, et, mais on n'a pas compté vraiment, mais on espère encore plus la prochaine fois. Alors maintenant, la séquence, une séquence beaucoup plus longue, qui va nous mettre au cœur de la manifestation. Je regarde, ça va se passer entre le Lavoir Théâtre, avec un arrêt devant le... Après, avant le Lavoir Théâtre, un arrêt devant le Loup en Pyjama, là, le pub, Irish Pub de Aurel, voilà, une des organisatrices de la manifestation, de la marche. Et puis vous entendrez, eh bien, un certain nombre de personnes, nos musiciens que j'ai maintes fois, plusieurs fois nommés, mais dans la première partie, donc je rappelle, nos musiciens, Popol, Michel Giannini, Michael Gresser, Jean-Claude Lusson au violon, et Jean-Claude Vourgy au chant. Voilà. Et vous allez entendre tout cela. Puis à nouveau les trompettes. Puis à nouveau, bah ce sont les musiciens là, que j'ai cités avant. C'est les musiciens du printemps de la chanson. Donc c'est important. Et puis voilà. De quoi écouter ceci jusqu'à la souris verte. Jusqu'à la souris verte, jusqu'à l'arrivée devant la souris verte, en passant par la gare, une séquence assez complète. Là. Voilà ce qui nous fera la fin de l'émission présente. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur ces sons. Voilà la séquence d'après. Voilà. Toujours les trompettes, bien sûr. Elle est toute seule qu'il y avait quelque chose à raconter. Hey, hey. On a mis quelqu'un au monde, je devrais peut-être l'écouter. Yeah, yeah. I'm quelque chose à raconter. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Oui, c'est Cécile de Troisième Rive. C'est Cécile qui a pour particularité d'être pieds nus, hiver, été, printemps, 21 février. Et c'est assez fabuleux de la voir comme ça. Elle a participé à des ateliers d'écriture l'année dernière, plutôt fin 19, sur Pierre Rabhi. On l'avait connue comme ça. Puis on la voit souvent à Troisième Rive. Glacé je préfère dormir dehors. Je préfère dormir dehors. Dormir dehors. Dormir dehors. Popol, accompagné de Michel et de Michael, et parfois de Jean-Claude Violon quand il apparaît. Ah, il est là. Voilà. Et tout à l'heure, Jean-Claude Vorgy, c'est-à-dire le printemps de la chanson de la Haute-Moselle, quand il peut avoir lieu. Il est là. Et derrière, Christophe Toussaint. Christophe qui a... Sans épinette. Et changé son épinette, son clignot, sa clarinette. Non, Non, un piston. C'est un piston, je sais pas quoi. Enfin, il m'a expliqué tout à l'heure. Piston. Piston en coulisses. Voilà, ça y est, on a trouvé la définition. Heureusement, on s'y met à deux. Hein. Voilà. Nous arrivons à la gare. Il y a un problème avec les 18 heures. Je me demande que tu fasses pas ça parce que là je me ferai mal aux lèvres. Ouais, d'accord. Merci, merci. Non, non, je peux pas bien. Non, je le mets plus loin. Je vais faire une petite pause de toute façon. Ouais, d'accord. Non, c'est pour la sonon, c'est pour. Oui, je comprends bien, mais si. Si je me coupe les lèvres, ouais, ça semble pas. C'est la peine de manifester. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'était. Oui, non, mais je comprends, c'est pas facile. Hein. Alors là, c'est notre trompettiste dont j'ai pas le nom, malheureusement, et je m'étais trop approché de... avec le, la sono, le micro. Ça a toqué sur la trompette. Et oui, bon, ça passe. C'est comme ça, voilà. C'est en marchant. Thank you. affiche Bar des Stagnets. C'était Marion qu'on a entendu chanter au début, les Champs-Élysées. Et là, c'est Popol et les autres musiciens, Michel et Michael. Et Jean-Claude au violon. Ouais. Et à il y avait un mec qui voulait faire la Paul. Bon, Philippe, je vous écoute. Ouais, ben là, on a des questions. Pardon. On va faire les traductions. Châtel. Ah oui, bien sûr. Ah oui, pardon. C'est vrai, je suis Châtel. Le pain d'un étranger qui m'a saoulé quand il pleuvait, et moi, comme un fou, j'ai couru. Et depuis, il a tout le temps. sucer le sang. Ce serait comme une aiguille qui plantait dans ma vie. Allez, Blas, allez, Blas. Non, c'est l'idée. Allez, c'est moderne. Ah, ouais. Eh oui, c'est le moment. Allez. C'est pas d'essayer ça. Oui, oui, d'accord. Après, je passe à ce moment. Il y a un micro. C'est pas très fort, mais c'est pas mal. Je vous passerai le... J'essaierai de mettre mon accent. Vous chantez, ça, les choses de l'idée. Bien, vous allez chanter, alors. Vous avez les paroles, vous connaissez le chanter par cœur. Bon, alors, je vais chanter. Mettez-vous plutôt le micro, parce que là, ça, c'est fort. Oui, il faut mettre le micro à la chanteuse. Il va dire d'accord, un peu, d'accord. Oui, on finira en musique après. Ben, oui, après, pour rentrer, parce que... Je te... Oh, ben, il est... C'est tout le monde, on va annoncer... Il est pas tard. C'est quand le couvre-feu? Il y a encore un couvre-feu? Non, c'est fini, c'est pas fini, c'est quand le couvre-feu? Je te fais qui se prend m'entendez ? Pas trop. Est-ce que tout le monde va bien ? Merci beaucoup, bande de citoyens, d'être venus aujourd'hui, d'avoir respecté le jeu, d'avoir respecté le protocole sanitaire. Wow. Alors, comme vous le savez, certains, ça fait plusieurs dimanches. Plusieurs dimanches, oui. Là, j'ai coupé un petit peu parce que je vais vous repasser la fin de la manifestation que j'ai passée en début tout à l'heure, il y a 3 heures déjà, 2h30, 2h20, un truc comme ça. Et vous avez autant la réécouter pour la cohérence et pour les noctambules. Et puis, donc, je reprends le tout début, 7 minutes et quelques. Oui, c'est pas trop long, hein. Je déborderai pas trop sur la nuit. Voilà. Donc, là, voilà. Le prochain rendez-vous le 14 mars devant le Cinéma Palace à 15h. Rebelote avec plus de monde. N'hésitez pas à le faire à Mirecourt, à Armée, à Saint-Dié, où vous voulez, partout chez vous. Je rappelle à tout le monde, c'est un mouvement citoyen. On est là pour le spectacle vivant, la culture, la convivialité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Je répète, le 14 mars, on me dit dans l'oreillette, à l'Épinal. L'oreillette. Le 14 mars, je répète, à l'Épinal, 15h au cinéma. Même chose, même parcours, même combat. Toujours plus fort. Encore merci à tous d'être venus. Yeah.